Ouais, du coup, je voulais commencer par vous présenter très rapidement la discussion qu'on va avoir ce soir et surtout pourquoi on a décidé d'avoir cette discussion autour du confusionnisme et des théories complotistes. On a été un certain nombre à entendre de plus en plus parler depuis quelques temps d'un certain nombre d'idées comme les histoires de chemtrail ou de chemtrail. Des théories complotistes autour du 11 septembre ou autres. Et puis, petit à petit, on a aussi entendu d'autres théories un peu plus politiques autour de la démocratie directe, de théories comme l'idée d'un tirage au sort, d'écrire une nouvelle constitution. Et bon, ça nous posait déjà un peu question. Et puis ensuite, plus concrètement, on a vu sur les luttes autour du soutien à Rémi Fraisse par rapport à la ZAD à Sivens, là où donc le jeune qui s'est fait tuer par la police, là. Il y a eu un mouvement un petit peu sur Alès, entre autres, hein, où il y a eu des AG assez importantes et des manifs assez importantes aussi. Et dans ces AG, il y avait des militants assez actifs, dont on a découvert assez rapidement qu'ils faisaient partie d'une organisation qui se présentait comme anti-pédophile, mais qui sortait aussi des affiches clairement antisémites et anti-franc-maçon. Un truc qui s'appelle « Peuple de France, réveille-toi » ou un truc comme ça, et on a été plusieurs à pas vouloir qu'ils participent au mouvement avec nous. Et puis ça a continué sur plusieurs discussions qui ont eu lieu ici, en particulier la discussion sur la Palestine, si je me souviens bien, et sur à la suite des attentats au Bataclan et sur l'état d'urgence, où il y a eu plusieurs interventions qui n'étaient pas clairement antisémites, mais quand même il y avait un complot, on ne savait pas trop de qui, quoi, mais enfin ça tendait quand même vers ce genre d'idées. Ou alors des interventions plus patriotes, qui étaient ce qu'on appelle interclassistes, qui développaient l'idée qu'au fond, les petits patrons, ils peuvent être de notre côté aussi, et en tout cas que toutes les classes peuvent agir en commun. Et puis là récemment, donc il y a les Nuits debout qui sont lancées un peu dans la foulée du début de la lutte contre la loi travail. Et à Alès, on a clairement à partir de la première Nuit debout, on a vu un groupe qui est arrivé de manière coordonnée et qui avec un truc tout fait, à vouloir faire des commissions, à vouloir absolument faire une commission pour réécrire la Constitution, entre autres. Petit à petit, au cours des discussions, en fait, ils avançaient des idées qui sont liées à une personne qui s'appelait Jane Schwarz. Et apparemment, c'était un groupe assez constitué autour de ce truc-là. Ils défendaient clairement les idées de Schwarz. D'un autre côté, oui, tout ça, je ne vais pas le développer moi. Ce sera largement expliqué. Ouais. Et puis d'un autre côté, on a vu aussi un groupe qui s'appelle Colibri, qui est intervenu de plus en plus dans la région, qui est lié à une personne qui s'appelle Pierre Rabhi. Par exemple, ils ont aussi demandé à faire des réunions ici, à la RITIB, à un moment donné. Du coup, on s'est penché un peu plus sur qu'est-ce que c'était que ces colibris et Pierre Rabhi. Et j'ai découvert que c'est pas si reluisant que ça. En tout cas. Ce n'est pas qu'un petit oiseau. En tout cas, ça demandait clarification, tous ces éléments-là. Il n'est pas question ici de tout mélanger et de dire que toutes ces théories, c'est des fascistes et c'est tout. Ce serait rapide et puis faux. Mais il y a quand même un certain nombre de choses en commun qui se retrouvent. Le fait souvent avancer masqué, de ne pas dire clairement de quelles idées on défend, quel groupe ils appartiennent ou autre. le fait de défendre des positions interclassistes, souvent nationalistes ou patriotiques, de reprendre des idées qui sont souvent perçues comme des idées d'extrême gauche, mais en cachant des idées qui sont ultra réactionnaires souvent. Et par exemple, une lutte contre l'oligarchie. Bon, ça pourrait paraître un point de vue d'extrême gauche ou révolutionnaire ou autre. Souvent, quand même, derrière le mot oligarchie, très rapidement vient l'oligarchie juive. C'est quand même des choses qui arrivent assez rapidement. Alors, c'est pas pour dire que tous les gens qui utilisent ce terme sont antisémites, mais enfin, il y a des questions à se poser en tous les cas. Et du coup, la copine qui fait le site confusionnisme.info, qu'on a invité, elle va essayer de démêler un peu tout ça, toutes les théories, ces théories complotistes et confusionnistes, et cerner leurs liens plus ou moins forts avec l'extrême droite. Souvent, en plus, la plus radicale. Donc, je crois que tu vas parler des théories complotistes, comme les chemtrails et autres, des théories de Chouard et de ses liens avec Soral et avec l'extrême droite, des colibris et Pierre Rabhi et une secte qui s'appelle l'anthroposophie. Et voilà. Donc juste une dernière chose, si personne ne veut le faire, mais pas de photos ni de films. Et puis donc il y aura un débat après, ce sera l'occasion de discuter plus. Plus. Merci. Donc attendez, je règle un peu mon micro, voilà. Oui, donc du coup, t'as donné un peu les grands axes. Moi, je vais plus particulièrement parler d'Étienne Chouard et de Pierre Rabhi, et puis après, on pourra aussi aborder dans la discussion les autres questions. Peut-être pour commencer, définir les concepts, qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a jamais de complot, hein. C'est pas du tout ça, c'est une vision en fait complotiste du mot, c'est-à-dire qui voit le complot un peu partout en fait, et c'est des théories qui en fait sont complètement désarmantes, puisque si le complot est partout, finalement à quoi bon lutter, et on est tout en complot, et du coup c'est même en termes de lutte sociale, on peut s'interroger un peu aussi sur l'influence de toutes ces théories finalement. Donc ça c'est pour la théorie du complot. Pour le confusionnisme politique, alors le terme qu'on a discuté évidemment, c'est un terme que moi et d'autres utilisent, qui nous semble en tout cas, qui décrit bien l'idée, quoi. C'est-à-dire le fait de tisser des ponts entre des franges politiques qui ne devraient rien avoir à faire ensemble. Par exemple, l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche droite, enfin ça, l'extrême droite. Même au niveau, c'est vrai, quelque part, par exemple, le manque de différence entre les politiques menées par le PS ou les Républicains, c'est aussi une forme de confusionnisme politique. C'est pas forcément celle qui est le centre de mon intérêt. Moi, je m'intéresse plus aux groupuscules et aux choses comme ça. Mais voilà, alors, en fait, il y a de plus en plus de thématiques qui se prêtent, en fait, à ces confusions. Alors, sur l'anti-impérialisme, par exemple, sous le prétexte d'être anti-guerre, on va soutenir des dictateurs comme Bachar el-Assad ou des régimes autoritaires comme celui de Vladimir Poutine, comme s'il y avait un camp à choisir dans des conflits entre nationalistes, par exemple en Ukraine. Quoi. En Ukraine, il y avait des combattants fascistes des deux côtés, d'ailleurs les mercenaires français en avaient des deux côtés, on ne va pas choisir son camp quand même entre l'un et l'autre. Il y a l'écologie, ça c'est un gros, un vaste débat sur lequel on reviendra, mais après, bon, il y a d'autres thématiques. La Palestine, on en parlait avec la confusion, antisémitisme, qui est aussi un fait réel, hein, c'est pas seulement en place, mais notamment des antisémites qui sont sous couvert de la critique de la politique de l'État d'Israël. Hein. C'est pas seulement quelque chose de fantasmé. Sur l'Union européenne, évidemment, aussi, avec des alliances souverainistes de gauche, souverainistes de droite, y compris concrètes, hein, sur le terrain, des actions communes, des choses comme ça. Et donc, ça touche aussi non seulement à des actions de terrain, le fait de se retrouver ensemble, pas toujours, enfin justement, pas forcément par inadvertance, parce qu'a priori, bon, sur une manif, on ne contrôle pas forcément qui vient, hein, qu'il y ait des gens qui viennent, qui se retrouvent là, à la limite, ça, c'est pas vraiment la confusion, on ne peut pas empêcher les gens de venir en manif. Par contre, le fait de mener des actions communes entre groupuscules, par exemple souverainistes de gauche ou de droite, ça prend tout de suite un sens politique. Le fait de signer des pétitions, par exemple, pour la liberté d'expression des négationnistes avec des négationnistes, ça prend un sens politique. C'est pas simplement je dîne avec un ami ou mon oncle vote pour le Front National. Ça relève de la vie privée, on s'en fout un peu. Donc voilà. Et donc il y a des rapprochements aussi théoriques quoi, sur l'emploi des termes. Alors tu parlais d'oligarchie. L'oligarchie, il faut dire que c'est un terme qui était un peu tombé en désuétude. Hein. Normalement, dans une analyse un peu classe, on parle plutôt de bourgeoisie, on parle de lutte des classes, on parle de prolétariat. On ne parle pas d'oligarchie. Ce qui ne veut pas dire grand-chose en fait d'oligarchie. On emploie la limite en histoire antique s'agissant des régimes politiques de certaines cités grecques. Mais c'est le seul emploi rigoureux qu'on puisse trouver au terme. Et il se trouve que ce terme est revenu un peu à la mode à l'aune de la crise bancaire de 2008. Et qui c'est qui a remis ce terme à la mode ? C'est Jean-Marie Le Pen dans son discours d'Arras en mars 2009. Alors tout y était, tous ces mots qu'aujourd'hui on entend. Il a parlé à la fois, il a employé quatre termes qu'on entend, en particulier trois. Il a employé mondialisme, que l'extrême droite emploie comme un synonyme, on va dire, de mondialisation, mais aussi d'internationalisme pour discréditer l'internationalisme ouvrier, c'est-à-dire une confusion volontairement entretenue entre le fait qu'il y ait des multinationales qui s'organisent au niveau mondial et puis le fait que les ouvriers cherchent aussi à s'organiser par-delà les frontières. Et bien tout ça s'est regroupé sous le terme de mondialisme. Ça permet de dire qu'en fait marxistes et ultralibéraux se rejoignent ou que libertaires et libéraux se rejoignent. Là, le genou est beaucoup plus facile à faire. Jean-Marie Le Pen, dans ce discours d'Arras, a parlé aussi de nouvel ordre mondial, pareil, de l'anglais New World Order, abrégé souvent NWO dans les trucs complotistes, et UNOM en français, NOM, et ça c'est pareil, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Bon, il a parlé d'hyperclasse mondiale, ça on l'entend un peu moins, mais ça rejoint le concept d'oligarchie. Il a parllé d'oligarchie, il a surtout parlé aussi de banksters, un terme qu'on entend beaucoup, qui est un jeu de mots entre gangster et banksters de l'anglais. Sauf qu'en langue française, je ne sais pas quelle est l'histoire du mot en anglais, elle est probablement plus évidente, mais en français, cette histoire a une histoire bien précise. Le terme banksters a été inventé par Céline dans les années 30, puis repris par Léon de Grelle, qui fondera pendant la guerre la division SS Wallonie. Et donc, c'est associé directement à la finance juive. Donc là, on est en pleine théorie du complot sur le pouvoir des banques, en particulier des banques juives. Et donc, c'était tombé complètement des études jusqu'à ce que Jean-Marie Le Pen emploie. Et à la suite de Jean-Marie Le Pen, un autre homme politique a aussi employé le terme. Vous pouvez faire une recherche sur son blog, vous trouverez Jean-Luc Mélenchon. Donc, il court après le FN pour combattre le FN, ce qui peut parfois, hein, dans son vocabulaire, dans les termes qu'il emploie. Mais aussi, Gérard Filoche parle de banksters assez régulièrement. Donc, on a vraiment là, une perméabilité des termes et des théories et des idées. Quoi. Derrière, il y a aussi des idées qui passent malgré tout. C'est pas complètement anodin, c'est pas juste pour faire de la caricature et pour rigoler. Donc là, les idées passent et c'est les idées d'extrême droite en fait qui passent à gauche, puisqu'actuellement on peut parler d'une hégémonie de la pensée réactionnaire. Finalement, on n'est plus du tout dans une dominance progressiste. On a un retour de bâton réactionnaire depuis plusieurs années. Donc forcément, ça peut aller que dans leur sens. Alors du coup, j'avais dit que j'aborderais plus particulièrement le cas d'Étienne Chouard et de ses colibris. Non, les colibris, excuse-moi, c'est Pierre Rabhi. Étienne Chouard, c'est l'antivirus et ses citoyens constituants, voilà. Donc Étienne Chouard, c'est un personnage qui s'est fait connaître au moment du référendum sur le TCE. À l'époque, il avait monté un blog où il démontait les articles du TCE. Il avait été extrêmement relayé au sein de la gauche, qui s'occupe de la gauche du non, en fait. C'était d'ailleurs, je crois, peut-être même le premier site déjà à l'époque consulté sur cette thématique, ou deuxième, enfin c'était un des gros sites auxquels se référaient les gens pour critiquer ce TCE. Bon, à l'époque, le traité constitutionnel européen, pardon. Donc c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Et donc à l'époque, bon, quand il a fait son travail, tout le monde a jugé que c'était un travail plutôt sérieux. Et puis ça a servi de base d'argumentaire. Sauf que dans les années qui ont suivi, Étienne Chouard s'est mis quand même à déconner vraiment du coup réfléchir à l'Union européenne, au manque de démocratie, où il a venu à construire toute une pensée autour de la démocratie, du tirage au sort, etc., que je vais développer après. Mais il a aussi construit des liens avec l'extrême droite assez forts, sous prétexte de discuter avec tout le monde, de liberté d'expression, en rendant hommage à Alain Soral, à Jacques Cheminade, ou à Thierry Messant du côté conspirationniste complotiste, justement. Et donc ça, c'est un truc qui a été pointé déjà depuis pas mal de temps par divers groupes antifascistes, ces parties-là. Il se trouve qu'Étienne Chouard, à un moment, s'est quand même fait lâcher, d'un moment, par pas mal de soutien qu'il avait encore à gauche, parce qu'il refusait de retirer un lien vers le site de Soral. Sauf que le problème d'Étienne Chouard est beaucoup plus large que seulement un lien vers le site de Soral, qu'il a d'ailleurs remis en ligne dès le lendemain. Ça, c'est faux de dire, on entend souvent, oui, il est revenu sur son soutien à la Soral. Non, pas du tout. Dès le lendemain, il est revenu sur le retour en arrière. Enfin, donc voilà. Et donc, tout ça paraît des théories sympathiques. Hein. Les citoyens constituants, les gentilvirus, qui ça sont, je ne sais pas comment dire, ces adeptes ou ces fans, en fait, c'est des groupes d'adeptes et de fans. Je crois être un peu le gourou, puisqu'il y a tout un petit côté-là de culte de la personnalité, qui se voit vraiment. Eh bien, ça paraît assez séduisant. Et effectivement, pourquoi pas, la démocratie directe, du tirage au sort plutôt que des élections, à première vue, quand on n'y réfléchit pas plus avant, on se dit c'est sympathique, et puis pourquoi pas dans l'absolu. Sauf qu'en réalité, la vision qu'a le choix du tirage au sort et de l'assemblée constituante, c'est quand même assez particulier. C'est d'ailleurs profondément réactionnaire. Je vais me baser pour faire l'analyse de ce qui prône vraiment sur une vidéo qu'il a tournée en 2011 où on le voit dialoguer avec Yvan Blot. Yvan Blot, c'est un des penseurs du cercle de l'horloge, du club de l'horloge, et ça c'est un think tank qui existe depuis très longtemps et qui construit des liens intellectuels entre la droite et l'extrême droite, mais qui est vraiment plutôt marqué extrême droite que droite. Et Yvan Blot a d'ailleurs navigué entre la droite classique et le Front National. Et donc son tirage au sort, il nous présente ça, Chouard et puis ses adeptes nous présentent ça sur le mode, ça va permettre, plutôt que d'avoir en gros les partis, les appareils, la bureaucratie, on va tirer au sort des citoyens au sein du corps électoral, et puis on verra, ce sera sûrement plus démocratique, plus représentatif socialement, toutes les couches de la société seront représentées, etc., etc. Alors ça, c'est le discours officiel. En réalité, dans ce dialogue avec Yvan Blot, Chouard explique que tout le monde n'a pas vocation à être tiré au sort, parce qu'on risquerait de tirer au sort. Alors d'une part, il y a deux catégories qui n'ont pas vocation à être tirées au sort. Il y a la catégorie, on va dire, des gens que lui appelle l'élite, c'est-à-dire les gens très riches, les comptes des médias, les gens comme ça. Mais il y a aussi toutes les classes populaires, puisqu'on sait bien que le peuple pris par ses passions vote mal. Enfin, ça, c'était des vieux argumentaires au 19e siècle pour défendre le vote censitaire. Donc en fait, ce que Chouard nous propose, c'est une sorte de tirage au sort censitaire qui nous ferait une assemblée tirée au sort composée de classes moyennes, petits patrons, petits intellectuels probablement, enfin, pour éviter les passions populaires. C'est vraiment ça. Donc il suffit d'écouter ce qu'il dit dans cette vidéo. J'aimerais quand même arriver à conserver cette idée que ce soit des citoyens qui écrivent eux-mêmes leur constitution sans que ce soit n'importe qui pour qu'il y ait vraiment une qualité de la réflexion. On ferait en deux temps. Imaginez que dans un premier temps, chaque citoyen, malin ou pas malin, jeune ou vieux, riche ou pauvre, désignerait autour de lui deux ou trois personnes qu'il considérait comme valeureuses, les termes sont assez importants, hein, éclairées comme des honnêtes gens. Et c'est parmi ces gens valeureux que nous tirerions au sort. Et il pourrait y avoir un biais, ceux qui ont été désignés très souvent ne pourraient pas être tirés au sort, et ceux qui ont été désignés très souvent, peut-être par un effet médiatique, on ne les prend pas non plus, pour garder les gens valeureux mais normaux. Alors là, plusieurs remarques, enfin on aura tous remarqué un peu le vocabulaire, mais c'est exactement, si on lit au 19e siècle des textes pour défendre le suffrage censitaire, j'en ai pas sous les yeux, mais enfin on pourrait comparer, c'est à peu près du même degré en fait. Et donc il y a quand même un truc, évidemment les gens qui n'ont pas été assez désignés vont penser quand même à toutes les catégories qui n'ont pas les ressources sociales pour à la fois ne pas être trop désignés mais l'être suffisamment pour être élus. Donc forcément les ouvriers, les chômeurs, les RSAS, mais aussi les gens, les personnes victimes de discrimination en tout genre, les homosexuels, les personnes victimes de racisme, probablement les femmes aussi. On sait très bien que les femmes, par exemple, sont moins à l'aise avec la prise de parole, subissent aussi elles-mêmes des discriminations. Donc on peut tout à fait penser qu'en fait, son assemblée ne sera pas représentative. Et alors, d'ailleurs, il donne un chiffre. Le corps électoral français actuel est composé à peu près de 40 millions de personnes. Pour Chouard, il n'y a que 1 ou 2 millions de personnes sur ces 40 millions qui ont vocation à participer au tirage au sort. Ensuite, on est vraiment loin d'être dans une espèce d'idéal démocratique, en fait, où tout le monde aurait la parole et la possibilité de participer aux décisions collectives. Par ailleurs, il ne prévoit pas de supprimer, contrairement à ce qu'il dit, les élections. Non seulement il introduit de l'électif dans le tirage au sort, mais il maintient une chambre électorale. C'est marrant d'ailleurs, il faut écrire la Constitution, mais Chouard a quand même une idée assez précise de la fin déjà. Hein. C'est son citoyen d'écrire, mais lui a déjà une idée assez précise, et donc il propose un système bicaméral avec une chambre qui serait tirée au sort et une chambre qui serait dite la chambre des partis, en fait, avec une place aussi pour les experts et les juristes qui conseilleraient ces deux chambres. Alors là, c'est marrant aussi, parce que le discours anti-expert, anti-élite et tout, ben là, en fait, on mettrait des experts pour conseiller les élus ou les tirer au sort. Alors du coup, s'agissant du pouvoir, entre guillemets, des lobbies, comme on aime bien le dénoncer, la question se pose quand même. Du coup, en quoi cette assemblée tirée au sort sera moins... perméable aux groupes de pression, etc., par rapport au système actuel, du coup, puisque... Donc c'est tout à fait plein de contradictions. Alors le tirage au sort, il faut notamment l'employer pour écrire une constitution. Le problème, c'est qui mettra en place cette assemblée constituante, qui ou quoi. Alors c'est pas la révolution sociale qui va mettre en place l'assemblée constituante chez Étienne Chouard, c'est l'homme providentiel. Il résume ça, il faut un Chavez, il faut une personnalité à la fois forte mais juste, un Robespierre. Voilà, donc qui vous fait la place de Chavez ou Robespierre, hein, mais il faut qu'il y ait une espèce d'homme comme ça qui aurait suffisamment de valeur pour renoncer au pouvoir personnel et le confier au peuple pour composer une constituante. Enfin, on rêve, quoi. C'est un peu quand même, je sais pas, et il est le premier à dire d'ailleurs que si les gens participent, les hommes politiques participent aux élections, c'est bien pour être élu et pour exercer le pouvoir. Donc on rêve complètement. Voilà. Ensuite, il y a quand même dans cette vidéo aussi, il continue. Étienne Chouard est pour une société inégalitaire, méritocratique et élitiste, et il l'assume complètement. À un moment, Yvan Blot explique le référendum, puisque ces gens-là promeuvent aussi le référendum comme mode de gouvernement. Le référendum est stabilisateur à condition d'avoir des grandes classes moyennes. Les pauvres ne prennent pas toujours des décisions très sages, tandis que la classe moyenne est dans le juste milieu. Il faut que la démocratie soit enracinée dans les classes moyennes. Ce qui est terrible, c'est le prolétaire, car il n'a plus rien à perdre, étant donné qu'il n'a rien, le malheureux. Et il peut être amené à des situations excessives. Et Chouard approuve. Il contredit Pablo, il approuve, il trouve ça très intéressant. D'ailleurs, plus loin, Chouard explique, et il le dit, ça, c'est citation quantique, donc à deux reprises, on a besoin d'inégalités pour que les gens aient des moteurs pour se donner du mal, et même peut-être de fortes inégalités. C'est la vision du monde que nous proposait Chouard. Il le répète plus loin, je suis d'accord sur l'idée d'admettre des inégalités, peut-être même importantes, parce que si quelqu'un est très utile et se donne beaucoup de mal, ok, alors d'ailleurs, on va classer la société entre utile et inutile. Voilà, enfin c'est quand même... Donc ça c'est l'idéologie d'Étienne Chouard. Il défend aussi le féodalisme, curieusement, non seulement la démocratie athénienne, qui n'était pas vraiment une démocratie, puisqu'elle était exclue du fonctionnement démocratique, on va dire à peu près, au moins 95% des habitants d'Athènes, c'est-à-dire les femmes, les citoyens, les étrangers et les esclaves. Et puis il y a aussi des gens qui sans doute de fait étaient citoyens mais ne pouvaient pas participer, notamment probablement des paysans libres qui à Athènes, ça faisait 60 km de large, donc qui n'avaient pas le loisir de quitter leur champ pour aller participer aux assemblées de l'époque. Et les métèques. Oui, ben les métèques, c'est les étrangers. C'est le terme qu'employaient les Grecs pour désigner les étrangers. Là, ça ne savait pas d'ailleurs si la connotation péjorative que ça a pris depuis. Et ils font la guerre. Oui, aussi, mais les citoyens aussi. C'était un privilège citoyen d'être soldat. Bref. Mais bon, Chouard, il n'y a pas que la Grèce qui l'intéresse. Bon, il y a aussi la Suisse. Il trouve que le référendum sur les minarets, c'est un bel exemple de démocratie et que c'est vraiment formidable. Mais moi, une fois, j'avais fait en conférence et du coup, j'avais poussé le bouchon, j'avais posé la question, est-ce que si le référendum revient, par exemple, sur le droit à l'IVG ou rétablit la peine de mort, la réponse était, le peuple a décidé. On va d'ailleurs se demander si, par exemple, sur une question sur l'IVG, les hommes pourraient voter. Est-ce que ce serait démocratique que les hommes votent pourquoi pas, si on veut pousser le bouchon. Mais du coup, et puis notamment, il promeut le vote à main levée. Il y a quelques cantons suisses où on vote à main levée. Comme par hasard, c'est les cantons les plus réactionnaires. Par exemple, ils ont accordé le droit de vote aux femmes en 1997. Et forcément, quand on voit ce que son voisin vote et que le voisin sait ce que vous votez vous, c'est évidemment, c'est pas tout à fait. On ne va pas forcément être poussé à voter sur des positions. Autres que celles qui sont la pensée un peu dominante de la société dans laquelle on évolue, en fait. Tu veux dire que le vote à main levée est plutôt réactionnaire En tout cas, dans ces cantons suisses, on le constate. Moi, je pense que l'isoloir, même si je ne suis pas une défenseuse de la démocratie bourgeoise, vous comprendrez, je pense quand même que l'isoloir a représenté un progrès. D'ailleurs, au XIXe siècle, quand l'isoloir a été instauré, c'était aussi parce que les nobles emmenaient paysan, quoi. Et les pays, tout le monde savait qui votait quoi. Et donc, on votait pour le noble ou le bourgeois du coin. Donc oui, moi, pour moi, quelque part, effectivement, l'isoloir est un progrès et le vote à main levée. Alors ça dépend, quoi, on vote à main levée dans son organisation politique, mais ça n'a pas tout à fait le même sens. On ne va pas être forcément pris en ennemi, mais là aussi, ça peut être un système de pression, le vote à main levée. En tout cas, dans une société plus large où il y a des opinions politiques très diversifiées, moi, à mon avis, ça c'est mon avis, hein, peut-être que les gens ne sont pas d'accord, je pense qu'effectivement, le vote secret est un progrès. Après, bon, on a plein d'autres manières de s'organiser, que la démocratie bourgeoise, voilà, on va rester là sur ce point-là. Mais alors, Chouard, il défend aussi l'ancien régime, hein, c'est formidable l'ancien régime, parce que selon lui, la noblesse et le clergé étaient des contre-pouvoirs aux riches et aux ultra-riches. Sous l'ancien régime, en fait, il faut voir que selon Chouard, c'était les financiers, les banquiers qui dominaient la société, la noblesse et le clergé étaient donc des contre-pouvoirs. Pour lui, la chute de l'ancien régime a donné aux seuls marchands et aux financiers tous les droits, dont celui de faire travailler les gens sans limite. Alors, je ne sais pas s'il se souvient de ce qu'était le servage, de ce qu'était la taille et de ce qu'était la gabelle, mais c'est quand même assez formidable, quelqu'un qui est capable d'analyser. Enfin, je veux dire, c'est même pas niveau d'école primaire, quoi. C'est vraiment là où on tombe dans de l'idéologie. Antisémite. Non, mais même pas seulement, c'est de la bêtise. Là, oui, en partie, oui, quand il parle des financiers, mais c'est même une idéologie, là, pour le coup, il prône carrément le retour au féodalisme, quoi. La noblesse était catholique, qui ne s'occupait pas d'argent, mais ceux qui s'occupaient d'argent, c'était les juifs. Pas seulement, oui, entre autres, mais évidemment que quand Chouard parle des financiers et des banquiers, il vise entre autres les juifs, puisqu'on sait bien, par ailleurs, ce que Chouard dit sur les juifs, les protestants, enfin, il y a en plein complot là-dessus, et qui fréquentent des antisémites. Ils promeut des négationnistes sans voir ce qu'il y a d'antisémite dans leur vidéo. Mais même en termes, on va dire, même sans aller jusque-là, ils prônent un retour au féodalisme, en fait. Alors là, c'est quand même assez grave d'un point de vue de l'émancipation, quoi. C'est vraiment un retour en arrière qui va émanciper personne, en fait. Après, dans la même vidéo, il raconte qu'il est favorable au port des armes. D'ailleurs, il vend de l'eau en chérie. Oui, l'homme libre est armé, donc il l'exemple des États-Unis, pour faire un exemple formidable à ce niveau-là. Les syndicats, les syndicalistes, ben, sont normalement exclus de son système de tirage au sort. Il met ça dans les bureaucraties, hein, au même titre que les banques, les hommes politiques, tout ça, c'est voilà, les syndicats, entre autres. Après, sur les médias, il envisage un système où les journalistes seraient payés comme des juges, des sortes de fonctionnaires, enfin, je ne sais pas, et puis que les médias seraient soumis à une autorité supérieure sous contrôle citoyen. Alors, voilà, bon, ben on va dire que c'est la fin de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, puisque d'ailleurs, on peut penser que Chouard ne se contentera pas, d'ailleurs, de mettre les médias dominants sous la coupe, mais finalement, toute opposition... Toute personne qui aurait un média quelconque sur lequel il exprimerait des vues probablement différentes devrait être sous contrôle citoyen. Est-ce qu'Internet serait contrôlé et tout ? En tout cas, la question mérite d'être posée. Il l'aborde pas en détail, mais la question mérite d'être posée. Donc tout ça pour démontrer un peu, parce que jusque-là, c'était un argument des partisans de Chouard de dire oui, il a des liens avec l'extrême droite, mais par ailleurs, ses théories sur la démocratie, sur le tirage au sort sont intéressantes, etc. etc. Non, elles ne sont pas intéressantes. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que par exemple, à Nuit Debout, il y a eu pas mal de courants avec l'expérience, mais à Paris aussi, il y a une commission entière qui est tenue par les partisans d'Étienne Chouard, par les citoyens constituants, qui est une association constituée en fait. Et il y a une raison pour laquelle Chouard n'est pas venu dans les Nuits Debout. Il y a la raison officielle qui est qu'il craint, et sans doute pas à tort, de se faire jeter par des antifascistes. Ça, c'est la raison qu'il a évoquée publiquement. Mais il y a une autre raison, c'est-à-dire qu'il y a des partisans à lui qui lui disent sur Facebook « Ne viens pas, il faut absolument déchouardiser l'idée du tirage au sort ». Puisqu'ils ont bien conscience quand même que Chouard est un personnage problématique et donc il faut déchouardiser l'idée. En fait, au fond, l'idée, voilà. Et puis après, il y a la question de qu'est-ce que c'est que cette problématique institutionnelle. On ne fait pas des institutions en dehors de tout rapport social. On peut toujours mettre une constitution avec un tirage au sort et d'autres dispositifs, mais si on ne change pas le rapport social de classe, etc., etc., en fait, ça revient sans doute à pisser dans un violon. Hein. On ne fait pas des constitutions ex nihilo et en dehors, effectivement, du champ de l'histoire. C'est complètement une vision aussi un peu absurde aussi de la chose, quoi. Alors, j'en arrive du coup au nuage rabiste, enfin, les partisans Pierre Rabhi, c'est Il faut savoir qu'il y a des liens qui, quoique discrets, existent entre Chouard et Pierre Rabhi. Alors, vous, je sais que c'est une interrogation au niveau local, de quels sont les liens concrets entre les partisans de Chouard et les partisans de Rabhi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a, certainement, et puis que même, d'ailleurs, il y a des liens entre Chouard et des institutions liées à Pierre Rabhi. Par exemple, Chouard a été un des invités à la réunion de fondation du mouvement des Colibris. Je crois que c'était en 2013 à Paris, et quand avait été pointée du doigt cette invitation, les Colibris sur Facebook avaient répondu « Nous pensons qu'Étienne Chouard est en accord avec les valeurs du mouvement. Après recherche approfondie et discussion avec l'intéressé, Chouard n'a pas réellement de sympathie pour ce RAL, pour lequel nous n'avons aucune sympathie. Il y a eu un lien malencontreux sur son site, bon, en réalité il y en a des dizaines, hein. Pour autant, nous ne souhaitons pas mettre Étienne, qui est un homme qui gagne à être découvert, une belle personne, en quarantaine. Je comprends que cela vous embête, nous aussi, mais ne soyez pas inquiets, ce sera une belle soirée à propos de construire une société cohérente en devenant des humains meilleurs. Par ailleurs, Chouard a été publié à 2 ou 3 reprises dans la revue Kaizen, en fait, qui est une revue directement éditée par les Colibris et par les réseaux de Pierre Rabhi. Donc il y a quand même des liens entre les deux sphères. Alors pour détailler un peu plus sur Pierre Rabhi, l'image qu'en ont les gens, alors on en discutait dans le milieu militant, ça commence quand même, ça grinçait des dents, et je pense que le grand public a l'image d'un sympathique humaniste, pas vraiment méchant, et plutôt rêveur, et en tout cas qui ne peut même être intéressant. En réalité, bon, Pierre Rabhi, qui prône la simplicité et la pauvreté pour les autres, entretient, lui, des liens assez étroits avec le monde de l'entreprise, ou même avec la haute société, hein, la comtesse de Polignac est une de ses pourvoyeuses un peu de fond. Mais par exemple, quand il avait une fondation, c'était soutenu par Yves Rocher, enfin, il a tout un tas de soutien très bien placé, et l'association des Colibris draine énormément d'argent. Il y a un site qui donne des chiffres, qui d'ailleurs a fait un article aussi sur le mode de fonctionnement des Colibris, qui, contrairement à ce qui est proclamé, n'est pas du tout démocratique. C'est le collectif Pavé Brûlant de Bordeaux. Alors les chiffres qu'ils donnent sur les sommes d'argent que drainent les Colibris, j'essaie de trouver ça. Voilà, l'association, je ne sais pas en quelle année, mais c'est 2014. A engrangé en 2014 785 604 euros entre les dons, les produits dérivés, tous les trucs. Alors Pierre Rabhi, quand il fait une conférence, il y a un petit village là qui avait tenté de le faire venir. Je crois que c'est en Ardèche, donc c'est tout près de chez lui, hein, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour s'y déplacer. N'empêche qu'il est invité donc par une mairie, et il a posé comme condition que l'événement soit en mesure d'accueillir au minimum 600 personnes et qu'il soit bien relayé dans les médias, et par ailleurs en demandant un cachet de 1000 euros. Donc c'est quand même, le désintéressement, la simplicité volontaire, c'est plutôt pour les autres, c'est pas vraiment pour soi-même avec Pierre Rabhi, hein. Ensuite, on sait qu'il a des positions réactionnaires, par exemple sur le mariage pour tous et la PMA. Il est dans une idéologie où tout ce qui est naturel est forcément bien, tout ce qui est artificiel est forcément mauvais. Alors chez certains écologistes ou anti-technologie, ça peut pousser à des dérives du genre, par exemple, anti-contraception ou anti-IVG, puisque c'est la technologie, c'est artificiel, c'est mauvais, ce qui est naturel, c'est d'autres méthodes, c'est de faire des enfants en quelque choix. Donc c'est une chose assez courante chez lui. Ensuite, il nous dit que le fonctionnement de son association, les Colibris, serait sur un mode participatif. En réalité, il n'en est rien. Hein. Il y a 8 personnes qui décident au niveau national des grandes orientations et le reste suit. Dans le même article, justement, là, des Bordelais, je vais vous en lire un extrait. Donc, en lisant les statuts des Colibris, qui sont un document public, qu'apprend-on ? Que le système de gouvernance est d'une grande complexité et fonctionne de manière complètement pyramidale et non circulaire comme annoncé. Pour résumer, il y a 6 collèges. Ces collèges élisent en leur sein des membres qui vont les représenter au cercle d'orientation, 31 personnes au maximum, qui a un rôle essentiellement consultatif. Pardon. Les décisions importantes sont-elles prises par le cercle de pilotage ? Ce cercle de pilotage est composé de 8 membres, 6 élus parmi les cercles d'orientation, un membre élu au sein du collège opérationnel et Pierre Rabhi, élu par personne. En sa qualité de président d'honneur, il est le membre de droit et avis du cercle de pilotage. souhaite manière de repenser le rôle et le mandat des élus. Quant au président de l'association, il n'est pas élu par les adhérents comme dans la plupart des associations, ni même par le cercle d'orientation, mais par ce fameux cercle de pilotage qui choisit l'un de ses membres pour occuper ce rôle. On notera également que parmi les pouvoirs du cercle de pilotage, il y a celui de nommer et révoquer tous les employés. Le terme révocation n'est pas anodin et est inapproprié. On parle de licenciement dans le Code du travail, pas de révocation. Il est surtout violent et retranscrit assez bien l'ambiance autoritaire de ses statuts. On est très loin de l'humanisme affiché. En bref, si vous décidez d'adhérer au mouvement des Colibris, n'imaginez pas pouvoir influer sur les décisions puisque celles-ci sont prises par 8 personnes, 7 personnes rééligibles à vie, plus une personne pas élue du coup. Moi, c'est un peu ce que j'ai. C'est aussi ce que j'avais constaté en lisant le même document, puis en parcourant aussi pas mal leur site, en suivant aussi leur cours en ligne, des choses comme ça. C'est tout à fait ça, en fait. Sous couvert de participation, en réalité, c'est un fonctionnement tout à fait autoritaire et centralisé. Alors, après Pierre Rabhi, il y a un autre problème avec Pierre Rabhi, outre tout ça, c'est aussi qu'il est une porte d'entrée au sein des mouvements altermondialistes et écologistes pour tout un tas de mouvements qu'on va qualifier de dérives sectaires, de mouvements mystiques, etc., etc. Alors, en particulier, par exemple, le directeur de l'équipe opérationnelle des Colibris, qui est un des postes les plus importants, Mathieu Labonne, est aussi coordinateur du Centre Ama France, qui est une dérive sectaire hindouiste. Mais Pierre Rabhi est en particulier lié à un mouvement qui est puissant, quoique très discret, qui s'appelle l'anthroposophie. Alors l'anthroposophie, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 20 par un occultiste allemand qui s'appelait Rudolf Steiner, avec une idéologie raciste, homophobe, et il est connu pour les écoles Steiner, qui ont été pointées au début des années 2000 pour leur dérive sectaire. Elle est aussi connue sur d'autres plans, par exemple la biodynamie, beaucoup ne le savent pas, mais la biodynamie, c'est la théorie agriculturale de l'anthroposophie. On a aussi les laboratoires pharmaceutiques Belleda, qui sont un volet commercial d'anthroposophie, et la Banque Planète, qui est là son volet financier, en fait, c'est une sorte d'économie à circuit fermé. Contrairement à la plupart, à ce qu'on s'imagine être une secte d'un mouvement fermé sur lui-même, il y a un noyau dur, je ne sais pas, en France, c'est quelques centaines de personnes, tout au plus, ça s'appelle la Société anthroposophique de France, ou en France, je crois. Et tout autour, en fait, ça fonctionne par cercle concentrique de réseaux d'influence jusqu'à la personne qui achète des produits Belleda ou biodynamiques sans savoir qu'elle contribue à financer un mouvement sectaire, en fait. Et donc, ça, c'est un mouvement qui s'accommode très, très bien de gens qui ne partagent pas ces vues réactionnaires. Du moment que l'argent rentre, du moment que les idées avancent, en fait, ce n'est pas très, très grave. Donc, en fait, on le voit un peu partout, les partenariats avec la NEF. Il y a des illustres associations qui en ont. La dernière prise de la NEF, c'est un esprit international, mais on a Greenpeace, on a ATAC. Les biocorps aussi sont liés à la NEF par une participation croisée. À l'époque, il y a 10 ou 15 ans, quand la NEF avait été montée un peu en puissance, il y avait d'ailleurs et au sein d'ATAC et au sein du réseau des biocorps des contestations, mais les contestataires ont visiblement perdu la bataille, puisque la NEF qui se présente comme cette banque éthique, pratiquant un autre système bancaire, en réalité, finance directement les activités de ce mouvement. Après, la biodynamie, ça se présente comme une vision plus radicale et plus pure de l'agriculture biologique. En réalité, il n'y a pas de différence notable entre la qualité des produits de l'agriculture biologique et biodynamique. La différence, c'est les pratiques magiques. Et quand on achète des produits biodynamiques, on finance un agriculteur qui a acheté des équipements biodynamiques, etc. Donc, on finance aussi indirectement l'anthroposophie. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est des produits qui ne s'affichent pas comme tels. Et on devrait être en droit de savoir ce qu'on achète quand même et qu'est-ce qu'on contribue à financer en achetant tous ces produits. La NEF a beaucoup nettoyé son image. Si on écrit texto que la NEF est une banque anthroposophique à l'heure actuelle, bien qu'il y ait des références à l'anthroposophie encore sur son site, eh bien, on risque de faire l'objet de pressions, de courriers, de mises en demeure, etc., voire de menaces de procès, en diffamation, donc voilà le genre de méthode employée. Alors, autour de Pierre Rabhi, il n'y a pas que l'anthroposophie, il est œcuménique. Dans son réseau des oasis, il y a un monastère orthodoxe, il y a tout un tas de mouvements, en fait, mystiques, de tout genre, à la fois des religions dominantes, mais aussi, effectivement, des mouvements sectaires qui naviguent et puis qui font avancer leur bille par ce biais, parce que Pierre Rabhi, il a vraiment beaucoup de réseaux, et comme il a une image très, très gentille, très, très sympathique, et puis qu'il ne va pas annoncer la couleur non plus, du coup ça marche très très bien. Alors il faut savoir que pour la petite histoire, ces deux fils, eux, ont viré fasciste au sens propre du terme. Alors notamment un des deux qui est un peu connu, qui s'appelle Gabriel Rabhi, qui fait des films sur la monnaie. Bon, c'est un partisan du négationniste Robert Faurisson, de Marine Le Pen, d'Alain Soral, de Guillaume, je vous en passe, c'est les meilleurs, partisans assumés et climato-sceptiques. Bizarrement, il y a le réchauffement climatique, selon les fils Rabhi, n'existerait pas. Donc il y a tout un tas de structures, il y a Rabhi, il y a des structures scolaires, enfin, il y a même des éco-villages. Là, en ce moment, avec son mouvement des oasis, il est en train d'essayer de fédérer des expériences d'éco-villages, d'en construire, avec toujours le mode de gouvernance à la Colibri. Il y a eu un cours en ligne récemment, où en fait, ce qui est proposé, c'est cette espèce de méthode en forme de cercle, etc. C'est vraiment, on promeut toute cette idéologie-là. Donc l'ambition, c'est d'ouvrir plusieurs centaines d'oasis là dans les 5 ans qui viennent et qui toutes seront en fait des îlots d'idéologie, je sais pas, mystico-écolo-réactionnaire, je ne sais pas comment on dit ça, mais en gros c'est un peu ça quand même. Voilà, mais qui du coup, et c'est vrai que c'est quand même un problème ça, ce côté un peu incontournable de cette personne, mais aussi d'un certain nombre d'institutions liées donc à son mouvement, l'anthroposophie. Il faut savoir que Rabhi lui-même est biodynamiste et enseigne la biodynamie. Et ce n'est pas vraiment possible d'enseigner la biodynamie si on n'est pas un convaincu. Il y a un site qui est consacré à ça, qui est géré par un ancien adepte qui s'appelle Grégoire Ferra, qui s'appelle Vérité Steiner, où il aborde toutes ces problématiques, y compris les problèmes qu'il y a au sein des écoles Steiner, de violence, etc., de pression morale, etc., qu'il peut y avoir comme ce genre de mouvement. Grégoire Ferra, c'est quelqu'un qui a été, alors lui, il montait dans des instances assez hautes, et il a été à la fois élève et enseignant dans les écoles Steiner, donc il connaît très très bien le sujet. Comme toutes les sectes, il y a des manières de se vêtir anthroposophiques, des typographies anthroposophiques, même des pratiques sexuelles anthroposophiques, enfin c'est vraiment, après pour le reste et pour les croyances, c'est une espèce de syncrétisme entre croyances orientales et christianisme, les théories derrière, et puis voilà, parce que... Donc voilà, pour le cas Pierre Rabhi, et puis les réseaux de l'anthroposophie et ses pénétrations qu'il y a au sein de l'écologie. Du coup, j'en arrive à ma conclusion, je ne vais pas non plus parler trop longtemps. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le cas Nuit Debout, et notamment cette coordination qu'il y a eu avec les Chouardiens qui sont venus un peu partout. En fait, dans toutes les Nuits Debout, il y a eu des interventions de partisans Chouard. Alors, côté Rabhi, il y a eu la promotion du film Demain, par exemple, La Nuit Debout Paris, qui est un film césarisé. Ce qu'on sait peu, c'est que Demain, c'est une opération de communication des Colibris. Le réalisateur de Demain, c'est un haut cadre des Colibris, fait partie de ce cercle de 8 personnes qui dirigent les Colibris, en fait, Cyril Dion. Donc, c'est vraiment une opération de communication, mais qui ne s'annonce pas comme telle. Il n'est pas question de Colibris dans le film, pas du tout. Pierre Rabhi apparaît, mais c'est loin d'être le personnage central, etc. N'empêche que derrière, c'est ça, et puis ça draine des sous. Je veux dire, là, je ne sais pas combien d'entrées ils en sont, mais enfin, ça draine des sous, donc c'est toujours bon à prendre. Il y a eu aussi, pour Chouard, le film Démocratia, qui a été projeté dans certaines Nuits Debout de province, qui est un film sur la démocratie, dont Chouard est un des personnages principaux, en fait. Et puis toi, tu écrivais ces questions-là d'intervention coordonnée, en AG, avec des gens qui se mettent à 10 dans différents endroits, puis qui s'organisent pour prendre la parole. Enfin, c'est marrant, quoi, on dirait des paysans, sans être mao-trotskiste, ils ont les pratiques et les... c'est assez rigolo. Et c'est vrai qu'ils se forment beaucoup entre eux, même si ça reste des groupes largement informels, ils dialoguent beaucoup sur Internet... Ils se forment entre eux, ils se rencontrent, etc., etc. Donc après, on a un formatage des discours, un formatage des pratiques, et ça donne des actions très efficaces sur ce mode-là, en fait. Ceci dit, après Nuit Debout, on peut s'interroger déjà aussi sur le mouvement plus largement. Je pense qu'on en reparlera, mais à la base, c'est un truc qui a été lancé par 10 ou 15 personnes à Paris, autour du fond gauche. Enfin, c'est un peu une opération pour créer une sorte de Podemos à la française et puis remettre Mélenchon un peu sur les rails, mais entre autres aussi pour promouvoir un film, celui de François Ruffin, dont le contenu est assez discutable, le contenu politique, le contenu social. Et puis un intellectuel, Frédéric Lordon, et donc ils sont deux souverainistes de gauche, quoi, mais du coup, qui prônent quand même cette idéologie interclassiste et nationaliste. Alors Frédéric Lordon, par exemple, quand on s'intéresse à ce qu'il dit sur l'internationalisme, c'est quand même tout à fait gratiné, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, il dénonce, quand on parle d'internationalisme, les activistes polyglottes à plein temps, cette internationale étroite du capital culturel voyageur, en parlant de Jacques Attalisme. Alors là, on est même à la limite de la théorie du complot antisémite, puisque Jacques Attali fait partie de ces figures comme DHL, un peu repoussoires qu'on critique à tort et à travers, entre autres en raison de leurs origines réelles ou supposées. Donc là, on n'est pas très loin. Alors, à d'autres moments, il explique que le vrai internationalisme est celui de la culture, du tourisme, de la science et de la pensée. Il faut voir tout ce que l'Europe a réussi à faire quand l'Europe n'existait pas. Airbus, Ariane, le CERN, Erasmus. Si on réussit à défaire l'euro, il faudra pousser à fond les curseurs dans toutes les autres directions, dans tous les autres compartiments du jeu. Ce n'est pas ce qu'on appelle le repli national. Donc pour lui, l'internationalisme, c'est Ariane, c'est Erasmus. Enfin, c'est quand même assez... En gros, ben, c'est la constitution d'un système... on va dire, à la fois de création de l'Union européenne, puis de tout un système industriel, en fait, d'ailleurs à la base beaucoup français, hein, on reste là. Juste, ça ne t'ennuie pas de recommencer, j'ai perdu le fil, quand tu as parlé de l'ordon avec... La capacité BHL, oui, Attali, là, oui, l'ordon, comme d'autres parleraient de mondialisme dans une autre sphère politique, on va dire. Quand l'ordon dénonce, il fait aussi cette confusion entre internationalisme et, on va dire, ultralibéralisme, pour résumer, quoi, pour lui, ce qu'on pourrait dire entre libertaires et libéraux, hein, d'ailleurs, c'est tout le propos de son livre Imperium, de taper sur les anarchistes et. C'est pas qu'on ne puisse pas critiquer les anarchistes, mais lui, il le fait de manière complètement caricaturale, hein, en prêtant des théories, et même en employant des citations de deuxième main déformées, enfin, ça démontre un peu le sérieux. Par exemple, ici, le Bakounine, sans devoir le Bakounine, hein, donc, c'est quand même un peu particulier comme méthode de travail. Et du coup, pour lui, l'internationalisme, c'est celui d'Ariane, c'est celui des voyageurs internationaux, enfin, c'est pas la lutte internationale et la solidarité des travailleurs, c'est ça, en fait, qu'il dit dans ces situations. Et même pire que ça, puisque l'ordon considère que si on ne parle pas la même langue, on ne peut pas lutter ensemble. Et que c'est là un échec de l'internationalisme. Il dit dans un autre article, en citant une anecdote, « En juin dernier, la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France envahit le chantier de la Philharmonie de Paris pour y rencontrer des travailleurs, évidemment clandestins pour bon nombre d'entre eux et venus d'une multitude de pays. » À la peur que leur inflige leurs conditions ultra précarisées s'ajoute l'impossibilité totale de se parler, de se comprendre et donc de se coordonner, de lutter. Et c'est une masse inconsistante et désemparée qui se trouve offerte au despotisme patronal, lequel s'est très bien divisé linguistiquement pour mieux régner. On est presque dans la mythologie de la tour de Babel, mais dans son patronal, c'est assez étonnant. C'est donc là un cas presque pur d'internationalisme prolétarien en situation et de fait un cas de totale impuissance. Donc, en gros, voilà, on ne parle pas la même langue, on ne peut pas lutter ensemble, et d'ailleurs, il n'y a pas lieu de lutter ensemble. Il explique ensuite qu'au risque de froisser la sensibilité des cadres altermondialistes, bi ou trilingues, habitués des voyages et portés à penser que leurs capacités sont universellement partagées, l'action internationale, qui est tout à fait possible et même tout à fait souhaitable, ne saurait avoir la même densité et partant la même extension ni le même impact que l'action d'abord nationale. On revient sur cette idée qu'en fait... Mais en réalité, tout ça est très ambigu. Il dit qu'il est pour l'ouverture des frontières, enfin qu'il est pour la régularisation de tous les sans-papiers, mais qu'en même temps, on voudrait complètement les frontières, c'est une utopie, il le dit à tout moment. Enfin, ça, c'est des aspects peu connus de la pensée de l'ordon, mais qui méritent d'être soulignés. Concernant le journal Fakir, c'est un journal productiviste, nationaliste, moraliste, paternaliste, tout ça. Il n'y a pas même un numéro sur qui est presque une femme à poil, une caricature sexiste d'un genre ou d'un autre. Et Fakir, qui est lui aussi productiviste et nationaliste, et pour le produisant français, par exemple, est allé jusqu'en 2007 inventer du coup les mérites de l'aérospatiale. Et parmi ses grandes réalisations d'industrie française, il y a le missile Exocet. C'est une grande réalisation qu'il faut effectivement penser à défendre et à poursuivre probablement. Et Fakir, c'est en lien avec l'ordon, du coup. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est la même mouvance. François Ruffin, il est aussi journaliste au Monde Diplomatique et chez Daniel Mermet, dont l'ordon est aussi un contributeur du Monde Diplo et un invité très régulier de chez Daniel Mermet. Donc, par contre, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est le même discours au fond, mais l'ordon a un discours qui est beaucoup plus construit et beaucoup plus travaillé. Il arrive à enfoncer des portes ouvertes en employant un vocabulaire compliqué qui fait penser qu'il dit des choses très intelligentes et très originales, alors qu'en réalité, il enfonce quand même énormément de portes ouvertes dans ses théories, mais ça, on pourra les développer. Du coup, je vais peut-être m'arrêter là et puis ouvrir la discussion. Je vais peut-être prendre une série de questions ou de remarques, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous procédez d'habitude. J'en prends juste sur l'ordre. Je vais poser la question. Vous n'êtes pas présenté, je ne sais pas si vous êtes. Si, j'ai été présentée au début. Mais votre nom, c'est tout. Ornella, mais je crois que je ne sais plus si on a dit Ornella Guyer. J'ai animatrice du site. Le confusionnisme.info, mais ça a été dit au tout début. Je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que ça veut dire internationaliste? Et pour moi, internationaliste, c'est la définition, c'est la solidarité internationale. Moi, je pourrais dire que je suis antinationaliste ou anationaliste si vous allez plus loin, mais en tout cas, ça, c'est la définition connue. C'est d'ailleurs à peu près la seule définition existante. C'est une définition politique, l'internationalisme. Donc après, qu'on soit d'accord ou pas, on voit la critique du fait que c'est une définition qui a été forgée au XIXe siècle, à la naissance du marxisme et de l'anarchisme, comme une première d'international. Moi, je voudrais juste essayer de clarifier deux choses. La première, c'est que je pense que l'extrême droite, c'est pas je le pense, mais l'extrême droite est anti-cosmopolite. Cosmopolite, qui est le cosmos, le cosmopolitisme est une déclare des bourgeoisies enjuvées dans le discours de l'extrême droite, qui n'a rien à voir avec l'internationalisme prolétarien. Bien sûr, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est à ce sens l'internationalisme? Si tu veux, c'est une forme de la confusion. De la confusion entretienne par le langage, les glissements sémantiques ou les empreintes que font ces groupes confusionnistes, parce que en répondant à des questions sur un terme, tu passes à côté du contenu de la question. J'ai remarqué aussi ça, c'est que lorsque, à l'époque des années 60 et 70, on parlait souvent, on ne parlait pas d'altermondialisme, même s'agissant des oligarchie militaire d'Amérique du Sud, donc ce n'était pas un terme européen, mais cela désignait quelque chose de précis, à la fois les bourgeoisies compradores de cette époque-là, ce qu'on appelait bourgeoisie compradore, ça veut dire acheteuse, de ces pays-là, et les castes militaires, c'est-à-dire que l'oligarchie désignait à la fois la caste militaire et les prébendiers, c'est-à-dire les couches aisées, qu'elles soient commerçantes ou intermédiaires, qui prenaient leur dîme sur l'amortissement du capital américain. Le capital américain venait pour l'extraction des matières premières, et il y avait des intermédiaires de cette bourgeoisie comprador avant qu'il n'y ait même la notion de bulle financière. Voilà. Ça, ce sont deux. Donc l'extrême droite emprunte au langage altermondialiste. Des fois, elle remet en selle des termes d'avant-guerre qui sont, comme tu l'as très bien montré à propos des banksters. Mais il ne faut pas oublier que dans les termes tels qu'ils sont employés, il y avait un contenu initial. Mais moi, je parle du contexte français. Hein. Même pour les banksters, je suppose qu'en anglais, le genou étant bien plus facile à faire, il doit exister. Dans un contexte francophone, et notamment français, c'est un terme dont l'origine est attestée dans l'extrême droite antisémite des années 30, reprise ensuite, réhabilité par Jean-Marie Le Pen à l'aube de la crise de 2008. Sur l'oligarchie, je ne suis pas spécialiste de l'Amérique latine, donc certainement, mais les termes sont parlés sur les espaces culturels, et moi je parle spécifiquement du champ francophone et notamment français. Donc je ne sais même pas, est-ce qu'au Québec, par exemple, on leur pourrait faire dans un sens différent, mais ce n'est pas mon propos. C'est un peu dur quand même de s'enlever du langage un mot comme. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. Mais moi, c'est un mot que j'ai entendu oui, c'est un mot très utiliser courant. Et ça m'a plu. Je veux dire, Je ne sais pas si les gens qui l'ont utilisé sont forcément... Non, ce n'est pas vous proposer. Justement, ça, le problème, c'est que justement, c'est un mot qui passe dans le vocabulaire. C'est le mot qui Gangster. Mais oui, ça séduit, forcément. C'est un jeu de mots. C'est vachement marketing, gangster, comme jeu de mots. Je trouve que c'est un bon mot. Personnellement. Pour moi, il y a deux problèmes. Il y a son origine d'extrême droite et le fait que, justement, plein de gens l'emploient hors d'un contexte d'extrême droite, ça montre que, eh ben, justement, les idées d'extrême droite et son vocabulaire, on le vend en coupe. Ça ne veut pas dire que les gens qui l'emploient sont d'extrême droite. Et par ailleurs, moi, la concentration sur les banquiers, ça vient bien de fonctionner un système capitaliste. Si on veut avoir une analyse un peu rigoureuse, c'est comme de dire parler que du prélibéralisme sans jamais parler de capitalisme. Le prélibéralisme n'est qu'une des formes historiques que prend le capitalisme. Donc si on est anti-libéral, par exemple, on n'est pas forcément anti-capitaliste. C'est d'ailleurs exactement ce qu'est l'ordre. En gros, si on prête un Keynésien, c'est pas du tout un anti-capitaliste. C'est de l'alter-capitalisme, on pourrait dire, quelque part, ou de l'alter-nationalisme, mais c'est pas... Et donc c'est ça aussi qu'il y a derrière, quoi. C'est que se concentrer sur des têtes de turc comme les banquiers, tout bien sûr que les banques ont une influence dans le système capitaliste, c'est idiot de vous dire le contraire. Mais par contre, voir qu'à travers cette lorgnette et analyser le système économique qu'à travers cette lorgnette et en employant ces mots-là, ben ça dépend complètement pour moi de la question sociale, en fait. C'est ça le problème de fond aussi. Oui, je confirme pour gangster, effectivement, c'est un terme en anglais qui vient littéralement de gangster et de banque et ça là où. Par contre, je ne suis pas tout à fait sûr que je sois d'accord avec ce que tu dis quand tu dis. Ça prouve que les idées, on le vend en poupe, le fait que des trucs soient repris. En fait, c'est une capillarité qui est insidieuse, qui est... C'est pas quelque chose de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une adhésion. Le terme, il est repris parce qu'il est rigolo. Et donc, c'est pas forcément le signe qu'il y a, que ça vend en poupe. Par contre, ce qui est intéressant, si tu peux me permettre, c'est le titre de ton blog, si j'ai bien compris, c'est la notion de confusionnisme. C'est-à-dire que le fascisme, c'est quoi? C'est quand finalement un système n'arrive plus à contrôler les conflits sociaux ou des résistances dans la population et a besoin de recadrer les choses dans une unité, dans des unités territoriales, culturelles, identitaires, raciales, normatives, religieuses. Ça peut prendre plusieurs formes. On y est un peu. Et c'est jamais un hasard si le fascisme il monte en puissance de façon concomitante dans des pays voisins à des périodes identiques. C'est jamais chacun son tour, on y est aussi. Et donc le fait que ça puisse se répercuter par capillarité, par micro-impact dans tout un tas de trucs, y compris la pédagogie alternative, moi, Steiner, j'ai été dans depuis un moment, mais. C'est vrai que du coup, ça décrédibilise Freinet, ça décrédibilise Montessori, ça décrédibilise tout ce qu'il y a de critique pédagogique de l'institution et de l'école bourgeoise. Je suis prof d'éducation nationale, donc. Mais tout ce qui, dès lors, peut être amené comme une alternative à l'école normative, du coup, peut être décrédibilisé par des gens comme Steiner. Dans l'argent, il y a une école Steiner. Et, oui, je sais, mais je viens d'en beaucoup. Je vois une différence entre Montessori et Freinet. C'est un Montessori qui est issu de la même tradition que Steiner, et notamment de, comment ça s'appelait, le mouvement qui a précédé la... Non, Waldorf, ça c'est oui, le nom des écoles Waldorf-Steiner, mais il faisait partie de la société théosophique dans les années 10, Montessori. Et il y a un côté un peu mystique dans l'intellectuel Montessori. Par contre, Freinet est issu du mouvement... donc c'est quand même une différence totale. C'est décoré par Mussolini, quand même. Après, mais sur Mussolini, sur le fascisme et sur ce que tu dis, en fait, c'est pas tout à fait nouveau, ces capillarités. Moi, quand je dis les idées d'extrême droite, elles vont en poupe, je veux pas dire tous les gens qui emploient ce terme sont d'extrême droite. Je veux dire simplement, ça devient normal d'employer ces termes sans même plus y réfléchir. Des termes venus de l'extrême droite et qui font son jeu. Ouais. Et en fait, on est quand même, si on veut parler en termes d'hégémonie culturelle, actuellement, dans une période d'hégémonie culturelle réactionnaire. Et je pense que quelqu'un comme Alain de Benoît, qui dans les années 70 théorisait en se basant sur Gramsci, sur la conquête de l'hégémonie culturelle, aujourd'hui doit bien se marrer. D'ailleurs, il se marre, puisqu'on le voit apparaître maintenant diversement dans des médias, alors que c'était quelqu'un de très discret. C'est le théoricien français de l'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est peut-être C'est malheureux, mais s'il y a bien un intellectuel qui a inventé quelque chose dans les 30 dernières années, malheureusement, c'est peut-être Alain de Benoist, hein, avec tout ça, avec son Grèce, avec sa Nouvelle Droite. C'est vraiment un truc... Et dans les revues de la Nouvelle Droite, et au début des années 2000, on pouvait voir des signatures comme celle, entre autres, de Jean-Luc Mélenchon, de Serge Latouche, enfin de gens comme ça. Et aujourd'hui, il vient de lancer Signe des Temps, Élément, qui était jusque-là une revue relativement chère et réservée donc, à cette frange intellectuelle d'extrême droite, il a lancé un peu de deux mois. Avec en couverture, on a eu Michel Onfray, on a eu, comment il s'appelle, l'autre économiste souverainiste d'ailleurs. Ça va me revenir. Enfin bon, bref, on a eu, et là dernièrement, on a eu des anciens Mao de mai 68 qui faisaient leur conversion publique. Alors notamment à propos d'éducation, Brigelli, hein, qui est assez connu, qui était Mao en 68 et qui aujourd'hui prône toute l'idéologie de la droite sur l'éducation, quoi, que les valeurs se perdent, qu'on enseigne l'arabe, qu'il y a la catastrophe à l'école, enfin c'est horrible. La théorie du genre, évidemment, bien sûr, c'est comme ils disent, d'ailleurs, théorie du genre, c'est en fait un terme à eux, parce qu'il y a des études de genre à l'université, il n'y a pas une théorie du genre, et il y a plusieurs écoles au sein de ces études de genre qui parfois, d'ailleurs, ne peuvent pas s'entendre entre elles, donc ça n'existe pas, ça c'est un terme, mais bon. Voilà, et après, sur le fascisme, quand même, à la base, Mussolini, il ne faut pas oublier d'où il vient, il a été anarchiste, il a été socialiste, et il a introduit ce mélange des genres dans le fascisme. Il y a aussi des origines françaises au fascisme, dans les années 10, autour du cercle Proudhon, un machin qui s'appelle le cercle Proudhon dans les années 10, c'est pas un mouvement anarchiste, c'est un mouvement de convergence entre l'action française, donc royaliste et légitimiste, la frange la plus dure du royalisme, et le syndicalisme révolutionnaire, en fait. Donc tout ça, c'est pas non plus nouveau. Il y a eu des périodes dans l'histoire. Le boulangisme, c'est sans doute historiquement en France la toute première expérience, on peut dire, de confusionnisme à la fin du 19e siècle, quoi, avec cette crise parlementaire, ce général Boulanger qui surgit comme l'homme providentiel et qui était effectivement soutenu par des franges du socialiste, des franges monarchistes et des franges royalistes. Donc, qui a fait un peu ça. Donc, c'est pas nouveau, et en fait, bon, après, c'est des périodes historiques, hein. Il y a des moments où c'est plutôt l'idéologie de gauche qui va avoir le grand coup, des moments où c'est plutôt l'idéologie réactionnaire. Actuellement, c'est l'idéologie réactionnaire. Donc, s'imaginer, par exemple, qu'en empruntant à l'extrême droite son vocabulaire et en retournant, on va pouvoir le combattre, en fait, non, on va faire son jeu en contribuant à le redéfinir comme ils veulent, en fait, le redéfinir. Ils ont aussi redéfini le racisme, ils parlent d'ethno-différentialisme, ça c'est bien de la nouvelle droite. Et maintenant, toute l'extrême droite parle d'ethno-différentialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de race, encore moins de race illégale, on se situe sur le terrain de la culture et non plus sur le terrain biologique, et on dit que toutes les cultures sont égales, mais qu'il faut préserver la pureté des cultures respectives, en fait. Et c'est lié à l'écologie, c'est-à-dire qu'il y a des discours, par exemple le programme écologique du Front National lie la question écologique à la question... des flux migratoires, c'est-à-dire que quand le Front National parle de relocalisation, il s'agit de relocaliser non seulement économiquement, mais aussi culturellement, en fait. C'est tout à fait. Et ça, c'est de Benoist aussi. Hein. D'ailleurs, ça fait très très longtemps que sur les sites de Crisis et Élément, c'est de revue, il y a une rubrique décroissance. C'est même la première, je crois, qu'on voit sur le site d'Élément. Hein. Donc ça fait très très longtemps, en fait, aussi qu'il y a ces liens. Mais là, il doit rigoler, parce que ça, alors qu'il était groupusculaire dans les années 70, à réfléchir à ça dans son coin avec un petit groupe d'intello. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en fait, ça arrive à son terme, ce processus, et quelque part, pour le moment, j'espère que ça va être définitif, qu'ils sont en train de gagner. La démonstration, l'exemple le plus flagrant, c'est ce qu'on appelle la normalisation du Front National. C'est vraiment l'exemple le plus flagrant de ce truc, avec y compris des reprises de thématiques sociales qu'on retourne, etc. Le fait qu'effectivement, on lisse complètement les discours, qu'on puisse même défendre, pourquoi pas, les droits des femmes ou ceux des homosexuels pour mieux taper sur les musulmans ou les immigrés. Enfin, c'est quelque chose... Mais le fait d'attendre la confusion et la pensée masquée, est-ce que c'est pas, quelque part, un peu rassurant, je veux dire, c'est pas si... Moi, je ne sais pas si je préfère pas avoir affaire à un vrai nazi qui s'assume comme tel et avec lequel on peut, si tu veux, qu'à des types qui... Ça n'a pas le même sens. C'est-à-dire que le vrai nazi va être dangereux physiquement, et puis il va avoir développé une idéologie dangereuse, mais à la limite, il ne va pas forcément remporter l'adhésion parce que ça va être très caricatural. Là, ce qui est pervers, c'est qu'en fait, ils se présentent tous comme des démocrates, comme des tolérants. J'ai eu des conversations, des fois, c'est intolérant de vouloir virer des fascistes, des réunions et des machins. Enfin, on inverse complètement le truc, quoi. ça devient du grand n'importe quoi, c'est intolérant, il faudrait discuter avec tout le monde, avec des confusions entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève d'une ligne éditoriale. Par exemple, le fait qu'un média ne devrait pas refuser de publier des tribunes de tous les côtés. Enfin, je suis désolée, la liberté d'expression, c'est chacun son corps à la limite de son site et exprime ses idées. Après, les médias ont tout à fait le droit d'avoir une ligne éditoriale, mais même les médias militants, je veux dire, c'est les politiques, ça, c'est un truc. Et ça relève de la liberté de la presse. Ce serait tout aussi scandaleux d'imposer aux médias de toutes sortes de donner la parole à tout le monde que d'interdire certains, à la limite, certaines prises de parole. Là, il y a une vraie... Moi, je trouve ça que, du coup, c'est extrêmement dangereux. Je ne sais pas vers quoi on se dirige, mais on pourrait se diriger vers quelque chose de... même, de, je ne sais pas, de régime, pourquoi pas, un peu autoritaire qui ne s'avouerait pas comme tel. Je ne sais pas trop, quoi. C'est dur de faire de la prospective, mais le risque n'est pas forcément absent, quoi, de se diriger vers quelque chose comme ça. Il y a un mot que vous employez souvent, donc c'est l'antisémitisme. J'aimerais bien avoir votre définition, parce que pour moi, c'est pas bien clair. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui est pas clair dans le... Je sais pas. Vous l'employez plusieurs fois, donc moi, je vais avoir quand même votre définition. Dans la définition la plus courante, en tout cas dans sa forme moderne, qui date de la fin du 19e, c'est la haine des Juifs. Soit en tant que pratiquant de religion, soit en tant que peuple, ou soit que même juif réel ou supposé, d'ailleurs, enfin, parce que ça peut toucher... Mais les Arabes sont des sémites. Non, mais il y a des langues, il n'y a pas des peuples, il y a des langues sémitiques, mais les Arabes, d'ailleurs, c'est aussi un ensemble de peuples, et il y a même différentes formes de langues. Les Arabes du Moyen-Orient sont des sémites. Mais c'est un peu essentialiste de dire des sémites, c'est des peuples de langue sémitique, comme le sont les Hébreux. Après, il se trouve que le mot est sans doute étymologiquement imparfait, n'empêche que la définition du mot, ça fait quand même à peu près un peu plus d'un siècle maintenant, depuis l'affaire Dreyfus, qu'elle est calée, qu'elle est claire, et que les gens qui se posent ce genre de questions, ben moi je m'interroge sur justement leur rapport au judaïsme. Dans cette question, on confond souvent l'anti-judaïsme de matrice chrétienne, l'anti-skiné. Pas théologique, quoi. Qui a été essentialisé avec l'apparition du protocole des sièges de Sion par le Kramat russe en 1890 et les poussières, qui, elle, a été l'objet de théorisation de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme couvre effectivement une forme de haine de soi, c'est-à-dire bien justifier une haine de soi dans le monde arabe, par la biologie, l'explication biologique, hein. Les Arabes sont les premiers à avoir inventé une race de chevaux qui ne dégénère pas. Donc une histoire, si vous voulez, dans l'imaginaire du monde arabe, arabo-musulman, l'idée que reprennent des gens des Lumières, qu'il y aurait une sphère éclairée, qui maîtriserait les sciences au-dessus des classes, par notamment ce genre de maîtrise alchimique, du calcul, de la géométrie, etc., etc., n'est pas étrangère à cette espèce de d'élitisme que nourrit la théorie antisémite. Après, là, sur le monde arabe et son rapport historique au judaïsme juif, je n'ai pas de compétences. Après, qu'il y ait un anti-judaïsme d'origine chrétienne et ou musulmane historique qui remonte à plusieurs siècles, oui. Mais l'antisémitisme a pris à partir du 19e siècle des formes beaucoup plus modernes, en incluant d'autres éléments, jusqu'à arriver à cette tragédie qui a été la Shoah. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde arabo-musulman, pour parler au sens large, il semblerait que, par exemple, les protocoles de sages de Sion se vendent assez bien, etc. Et je pense que c'est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est effectivement rattaché, comme dans le monde chrétien, à une vieille méfiance et à un vieux truc, mais c'est sans doute aussi beaucoup plus moderne. Ça s'appuie aussi beaucoup sur la question du conflit israélo-palestinien. On peut croire que le jour où ce conflit sera réglé, espérons qu'il le sera, en fait, il y aura, j'espère en tout cas, une retombée aussi de cet antisémitisme, parce qu'en fait, il y a vraiment une confusion qui existe aussi dans les esprits par rapport à ça. Israël, les juifs qui soutiennent Israël, etc. Et ça, c'est vrai que c'est sans doute un des cœurs du problème, ce conflit. Mais on oublie de dire que les Arabes sont des sémites, parce que c'est raciste. Voilà. Les gens n'aiment pas les Arabes. Ben, c'est pas ça, moi. C'est que essentialiser, déjà, il y a plusieurs peuples et plusieurs langues quelque part arabes, on pourrait même étudier linguistiquement. Il y a des langues sémitiques, mais des peuples sémites, c'est comme le peuple français. Il va falloir nous montrer ce que c'est quelque part. Ça n'a pas, ça a pas de... Ça n'existe pas. Enfin, c'est... Il y a des langues sémitiques, comme la langue française est une langue romane, d'origine indo-européenne, etc. Mais d'ailleurs, c'est l'extrême droite, à un moment, enfin, là aussi, qui a voulu associer les juifs et les arabes sous ce terme sémite. Il faut lire certains écrits de Céline à ce propos-là. Je ne les ai pas souvenés, les écrits de Céline, là, qui sont, qu'on ne retrouve plus, là, les pamphlets céliniens. Mais il y a des vrais écrits où il associe les arabes et les juifs sous le terme sémite, extrêmement violemment. Et donc, c'est aussi une forme d'essentialisme. Il y a des langues, moi, des peuples, ben, presque, il faudrait m'en montrer, quoi. Je ne sais pas ce que c'est qu'un peuple, ce que c'est qu'une nation, ce que c'est... Enfin, si, c'est des institutions, c'est des créations de la pensée, de la société humaine, et des créations historiquement marquées, et qui évoluent dans le temps. Mais c'est tout, ça n'a pas une essence ou un truc, et après, c'est pas un problème, quoi, que l'humanité soit diverse, et que les langues soient diverses, et que... Mais pour moi, dire que c'est souvent un truc, oui, c'est des sémites, non, c'est des gens de langue sémitique, comme les hébreux, mais comme tous les musulmans sont pas arabes, tous les juifs parlent pas hébreu non plus, enfin, ça va de... Et comme tous les arabes sont pas musulmans aussi, enfin, c'est... en fait, enfin, je suis un peu confus, parce que... Vous avez cité par exemple Chouard, Dieudonné, Soral, peu importe. Et en fait, je me posais la question, pourquoi en fait, justement, dans cette sphère-là, il y a par exemple Jacob Cohen, révisionniste, parce que j'ai fait quelques recherches dessus, comme David Cole, qui est juif aussi. Pourquoi eux, dans ce cas-là, ils seraient classés dans les antisémites? Si tu veux, Jacob Cohen, c'est pas parce qu'il est juif qu'il peut. Déjà, il n'existait pas dans l'antiféministe, par exemple. Donc c'est pas un truc absolument... Il existe des ouvriers qui votent à droite, donc c'est pas parce qu'on appartient à une identité réelle ou supposée qu'on va pas des fois aller contre ses propres intérêts. Il se trouve que Jacob Cohen, par ailleurs, est un des idéologues de sa théorie des Sayanim, c'est une théorie du complot antisémite, qu'il soit juif, après j'ai plus rien, hein. Et après, effectivement, Soral est bien content de l'utiliser pour sa propagande. Il y a un autre cas, c'est Gilad Atzmon, qui lui le dit lui-même, d'ailleurs, il le dit, je suis un juif qui me hait moi-même, il le dit texto, et pareil, son bouquin, oui, non, mais voilà, c'est pas une insulte, enfin, dans son cas, on peut pas dire que ce soit une insulte, puisqu'il l'assume et il le dit, donc c'est pas du tout un... Donc voilà, après que ça c'est les mystères, je sais pas, de l'âme humaine, quoi. Comment est-ce qu'on peut aller à l'encontre, je sais pas, de ses intérêts. J'ai un copain qui a été dans les mouvances punk dans les années 80, il m'a dit qu'il a connu des métisses qui rejetaient le côté noir en haineux, ou qui... Enfin, tu vois, ça c'est... Après, voilà, c'est comment dire, quoi. Comme il y a des homosexuels au Front National, comme j'en sais rien, tu vois, c'est... C'est des choses, ça, après, sans doute, parce que c'est pas aussi ce qui leur importe leur plus dans la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes aussi. Ce serait pas tout logique, alors. Ça peut être secondaire, par exemple, peut-être que c'est des gens qui sont au Front National en étant femmes ou homosexuels, ben, pensent qu'en fait, il est plus important de défendre des valeurs nationales et des machins que de défendre l'IVG, de défendre le mariage. Je ne sais rien, quoi, et peut-être qu'ils pensent... sont prêts à se sacrifier pour la cause, je sais pas, je voudrais leur demander. Hein. Mais quand tu parles de tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont organisé un complot? Quelle est la relation avec le thème de pouvoir, conspiration? C'est-à-dire que c'est des gens qui tiennent des discours, entre autres conspirationnistes, pas seulement. Conspirationniste, ça va vers tuer des gens. La conspiration, ça veut dire. Pas forcément, il y a des complots qui ne conduisent pas au meurtre de gens. Enfin. En principe, un complot conduit à un meurtre. Pas forcément. Mais non, pas forcément. Une prise de pouvoir. Mais non, les gens peuvent s'organiser eux-mêmes. La définition du complot. Mais non. Deux personnes, je m'organise avec un ami pour tricher un examen. C'est un complot. Bah si, c'est un complot à ma petite échelle. Non, je ne suis personne, enfin. Oui, mais c'est un complot pour tricher. C'est une tricherie. Si tu peux aller par là, c'est. Non, c'est une tricherie, c'est pas un complot. Le complot, c'est pas forcément. Je suis forcément. Pas sur les mots, là. Enfin, non, je suis pas sur les mots. La définition de l'occasion, c'est quand tu dis « cum plot ». Voilà. Oui, il y a le sens étymologique original des mots, il y a aussi le sens courant qu'ils prennent. Enfin, on va pas à un moment... Les mots peuvent être aussi polysémiques, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant à discuter. C'est d'ailleurs là-dessus, c'est de ça dont on discute. Par exemple, le mot peuple, Typiquement, mieux vaut parler de prolétariat et de bourgeoisie, parce que le mot peuple, et ça c'est utilisé, mais on retrouve chez des gens qui sont a priori éloignés sur cette spectre politique, comme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, en jouant à la fois sur les mots en tant que classe sociale populaire, donc prolétariat, on va dire, et le peuple nation, quoi. Et même chez Lordon, et Lordon, il veut clarifier ça, mais c'est pas très clair quand on lit bien, et ils emploient indifféremment, tous ces gens, les termes de nation et de peuple, dans des sens, même l'idée qu'il y aurait une nation en version républicaine, de gauche, une nation qui serait la nation ouverte et qui tolérerait qu'on serait citoyen par adhésion libre, qui n'a jamais existé, sauf à des moments très restreints de l'histoire de France, quoi. Et puis, sinon, le peuple ou la nation organique, et ça, en fait, c'est bien pratique aussi, ces mots-là, notamment ce mot peuple, quoi. Le pire, c'est les gens. Le pire, c'est les gens. Oui, alors ça, encore moins dire, c'est très général. Les gens dans le langage courant, en termes politiques, je ne vois même pas comment on peut l'employer, quoi. On entend quand même. Dans mon langage courant, à moi, qui ai 68 ans, ça résonne, vive la juste vie du peuple vietnamien au départ. Oui, mais enfin, dans un électeur du Front National, ça va résonner autrement. Oui, oui, mais dans l'esprit d'un électeur du Front National, y compris de votre âge, madame, mais oui, non, mais c'est pas autre chose, c'est-à-dire que le peuple est un terme polysémique. Il a plusieurs sens, et chacun peut lui donner un peu aussi, effectivement, le sens qu'il veut. Et c'est ça qui intéresse aussi au niveau théorique les confusionnistes, de droite comme de gauche, c'est de jouer sur les mots. Et il faudrait que je trouve des exemples de citations, je dois avoir ça dans un de mes articles. Où on voit très clairement chez des gens comme Lordon ou chez d'autres qu'ils emploient le peuple indifféremment au sens, selon que ça les intéresse, de synonyme de prolétariat, classe populaire, classe sociale, et au sens de la nation comme étant la nation française, de manière un peu mystifiée, en fait, complètement. C'est pour ça, en fait, le piège un peu des mots. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les employer, mais qu'il faut faire attention dans quel sens, dans quel contexte on les emploie et avec quel... Moi aussi, j'emploie le terme classe populaire peuple, j'ai du mal, par contre, je dois dire, hein, mais classe populaire, oui, ça m'arrive de l'employer, parce que c'est compris dans le langage courant en même temps aussi, quoi. On ne va pas non plus faire plus sectaire que ceux que. Mais peuple, je dois dire que je l'emploie très rarement, voire pas du tout, c'est trop. Tu as raison. Quand j'entends le mot peuple, je me demande si mon époux prépare un concert contre la classe populaire. Oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, par exemple, Mélenchon inclut dans le peuple aussi les petits patrons, il soutient les petits patrons. Hein. Alors, à propos, dans ton texte sur Nuit debout, il y a ce concept assez nouveau de auto-exploiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, on n'a peut-être pas expliqué, en fait, dans notre esprit, c'est auto-entrepreneur. C'est vraiment, tu vois. Alors, c'est à la limite d'artisan, c'est à la limite. Ouais, c'est ça. Non, attention. Non, non, pas du tout. Ce concept. C'est peut-être une erreur et tu fais bien de la signaler. Pour nous, c'est dans le sens de cette nouvelle catégorie, on va dire, qui. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est vraiment. Pour moi, c'est plutôt du côté du prolétariat, puisque c'est employé par les employeurs pour ne pas salarier les gens, l'auto-entrepreneuriat. Ce n'est pas un statut même de société unipersonnelle ou même une société d'artisanat, ce ne sera pas sous statut d'auto-entrepreneur. C'est vraiment des boulots précaires, comme livreur sur des vélos à Paris. Là, il y a tout un tas de boîtes, comme Uber, comme des choses comme ça, en fait. C'est ça. Donc, c'est une sorte. Évidemment qu'il faut penser l'évolution de la société et qu'on ne doit pas être arc-bouté sur nos anciennes définitions aussi non plus, mais pour moi, c'est plutôt des gens plus proches du prolétariat que même du petit patron, les auto-entrepreneurs, bien que souvent, il y en a qui adhèrent tout à fait à l'idéologie libérale qui a présidé à la création du truc, quoi. Vraiment, c'est un tremplin. Ça prépare le compte personnel d'activité. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est rare par un. Mais auto-exploiter, c'est au sens où, en fait, sur le papier, vous avez votre entreprise, mais en réalité, vous n'êtes pas du tout maître de votre travail, de votre temps de travail, de vos conditions de travail, et tout le risque repose sur vous. Vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas de sécu, vous arrivez un accident de travail, c'est pour votre pomme, en fait. Donc c'est en ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on aurait dû l'expliciter, c'est une erreur, c'est qu'entre nous, quand on a travaillé le texte, on l'emploie entre nous, et c'est vrai que c'est pas un mot qu'on emploie dans le langage courant, et qu'on corrigera, du coup, pour définir la chose. Est-ce que Lordon a lu bande de vos écrits? J'imagine qu'il les a lus, ça m'étonnerait beaucoup qu'il les ait pas lus, vu la polémique qu'il y a eu. Après, je n'ai pas eu de retour de Frédéric Lordon. Je pense qu'il n'y en aura pas, d'ailleurs. C'est quelqu'un d'assez intelligent, Lordon, pour savoir ne pas répondre quand c'est nécessaire, ou alors devancer des critiques. Mais je pense qu'un texte comme ça, il ne répondra pas. Mais je ne suis pas la seule à avoir formulé ce genre d'analyse. Par exemple, sur l'analyse qui va de l'internationalisme ou de l'anarchisme, Le Monde Libertaire a publié aussi un texte assez rigolo. Il résume la chose très bien. Il dit que ce qui est navrant, c'est en gros, c'est pas tant que Lordon en sache si peu sur l'anarchisme, mais qu'il en sache si peu avec autant d'aplomb. Et ça résume tout à fait le livre de Frédéric Lordon. Finalement, c'est les confusionnistes qui sèment la confusion. C'est ça qu'on reproche. Mais c'est eux qui sont confus, en fait. Oui, mais c'est-à-dire que c'est normal. Enfin, oui, on sème la confusion par la confusion. Enfin, je ne sais pas comment. Si je peux permettre, ta pratique d'Internet, toi aussi, proche du confusionnisme, comme une scène, un mensonge évident qui est que le site lundi matin fait l'éloge de la police, par exemple. Je sais plus, c'est pas la partie que j'ai rédigée. Alors, s'il y a un site qui est en France, mais. Ceci dit. Ce qu'il faut pour se faire une idée précise. Attends, je vais essayer de retrouver. Par rapport à l'intervention de Rick Cazan. Lundi matin, après le 13 novembre. Lundi matin, après le 13 novembre, a sorti un texte aux tonalités soralienne absolument dégueulasse. Et puis, je ne sais plus à quel article précis ça faisait référence, là, enfin, je le recherche, mais parce que du coup, je ne l'ai plus en tête. C'est par rapport à Eric Cazan, ses interventions. Il a publié la tribune d'Eric Cazan. Ouais. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un jeu avec la fabrique, lundi AM, c'est un peu un site issu de la fabrique et ici du comité invisible. Par exemple, quand Andrea Boutaja vient sortir son livre, on a eu une opération promotionnelle dans lundi AM avec Eric Cazan défendant le livre et Yvan Segré qui est aussi édité à la fabrique, tapant sur le livre, tout ça. Enfin, ça fonctionne un peu comme une écurie et c'est vrai qu'Eric Cazan a publié une tribune disant qu'il faut dire la police avec nous, etc. Ce sur quoi moi je ne suis pas d'accord. Après, on est libre de ne pas être d'accord avec moi sur ce sujet-là. Mais pour moi, je veux dire, puisque je ne cache pas non plus d'où je m'exprime, c'est-à-dire que, y compris quand j'écris ce genre de texte, je m'exprime d'un point de vue, je ne sais pas comment définir, on va dire communiste libertaire. Moi, je suis un livre entre marxisme et anarchisme, je ne suis pas bien décidée encore si j'étais plutôt anarchiste, plutôt marxiste, enfin. Et donc, du coup, pour moi, par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis anti-autoritaire et la police. En tant qu'institution sociale, et lui, son rôle social ne saurait être une alliée. Je ne parle pas là des individus policiers qui font ce métier pour X ou X raisons, mais de la fonction sociale de la police. Et pour la police avec nous, en plus dans le contexte actuel, de publier une tribune comme ça, ben oui, je suis désolée, c'est bien faire l'éloge de la police et de la répression, mais pas trop d'ambiguïté. Après, sur la base d'une tribune d'un individu sur ce site, tu dis le site fait. Relayé par le site. J'ai dit, attends, j'ai pas dit, on n'a pas écrit que ça. J'ai l'article sous les yeux, lundi AM, qui navigue entre autonomisme, situationnisme et éloge de la police. Servant de position radicale à la maison d'édition opportuniste, on peut ne pas être d'accord avec le terme, la fabrique. C'est vrai qu'il y a un ton un peu satirique qui n'est pas d'ordinaire sur mon site, mais là on l'a écrit à plusieurs. Donc si tu veux, après on peut ne pas être d'accord avec cette analyse, mais n'empêche qu'on n'a pas dit que ça de lundi AM. On définit effectivement en trois lignes, on n'a pas après détaillé, c'était déjà un gros boulot, mais on pourrait y reconsacrer un article, hein, si vous voulez, à lundi AM, pourquoi pas. Mais disons qu'on définit, on essaie de définir de manière courte, d'ailleurs dans un paragraphe qui définit plusieurs médias, qui essaie de les situer dans le champ politique, ben voilà comment nous on définit ce truc. Après, on peut être d'accord avec la définition qu'on en donne. Mais de fait, il se trouve que lundi AM a publié une tribune, effectivement, prônant l'alliance du mouvement social avec la police. Donc après, on interprète ça comme on veut. Et c'est pas moi qui l'ai écrite, hein. Personne ne les oblige à publier ça non plus. Hein. Marc, les vieilles lunes des années 30 reviennent, parce que c'était effectivement le propre. De la CGT à 36, donc il y a les flics avec nous. Oui, mais moi je ne suis pas. Le concept classe contre classe revient, qui était une des errances des staliniens à la fin des années 20, donc ils se rabattent sur le front de l'Union. Mais moi je suis. C'est des classes contre classes, ben, là on nous voit réapparaître. Mais aussi, si tu veux, dans la confusion, oui, mais... il y a des remontées du passé. Mais moi je suis peut-être de la période stalinienne, et d'ailleurs il existe encore des staliniens au sens propre du terme, c'est-à-dire des nostalgiques de Staline, des gens qui vont expliquer ou relativiser, soit dire que les goulags c'est largement fantasmé, soit dire que des gens comme Annie Lacroix, des gens comme même Alain Badiou dans une certaine mesure, voilà. Et après, il y a tout, effectivement, on sait très bien que la CGT, le PC, historiquement, ont été très liés à cette tradition-là. Et moi, par exemple, c'est pas, j'ai aucune sympathie pour ça, moi, des retours de trucs. C'est pas parce que la CGT en 36 a dit la police est nous, d'ailleurs, en 36, c'est l'autre qui était dépassé par ça, et moi, c'est le même en 36 qui aurait dit, ben non, la police pas avec nous. Si tu veux, c'est pas trop la question, en fait, c'est... Non, mais je veux dire que le boulangisme ne date pas. Non, c'est ce que je disais. On peut le faire dater, on peut le faire remonter en France, c'est ce que je disais, le boulangisme à la fin du 19e siècle, dans les années 1880-90. Alors, où est donc la pure théorie du pur prolétariat? Attends, c'est des gens qui défendent des idées nationalistes, interclassistes, etc. en se faisant passer pour des gens d'extrême gauche, ou en utilisant gauche, en même temps des idées d'extrême gauche. Là, on ne parle pas de pureté, on ne parle pas de pureté d'idées du prolétariat, on ne parle pas d'être de telle tendance communiste ou de telle tendance anarchiste. Par contre, c'est une façon pour l'extrême droite de propager ses idées dans l'ensemble de la population, y compris dans les luttes sociales. Je veux dire que prolétariat, c'est si étanche qu'elle se fait infiltrer. Il n'y a pas une théorie du prolétariat. Il n'y a pas la théorie du prolétariat. Enfin, parce que à la limite, on peut, ça existe sur le terrain, qui est des alliances dans les luttes avec des organes qui ne se revendiquent pas du prolétariat ou qui sont réformistes. C'est pas tant ça. Je veux dire, c'est peut-être tout à fait justifié. Pourquoi pas sur telle ou telle lutte. Le problème, c'est justement le fait que la confusion arrive notamment par le réformisme et pénètre jusque chez les anarches. Il y a même des anarches qui, des fois, vont défendre une certaine vision de l'État. C'est du point de vue anarchiste, c'est de la confusion. On est libre de ne pas être anarchiste. Mais enfin, si on se situe dans cette optique-là, donc c'est assez large. Je ne dis pas qu'il faut rejeter, passager, et puis la réalité des luttes complexes, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Dans nos organisations diverses et variées, c'est pas après, je vais pas vous dire. Ben, ceci dit, moi je pense qu'il y a quand même des limites et qu'il y a autant par exemple, on peut tout à fait accepter d'être avec des militants du Front Gauche ou de je sais pas quoi sur des luttes parce qu'en plus c'est des gens souvent qui sont du terrain qu'on connaît, etc. Mais par exemple, les colibris, accepter les colibris, et ben au final, même si c'est pas comme ça qu'il y paraît au départ, on accepte une idéologie réactionnaire. Hélas, là, on est tout de suite sur un autre terrain aussi. Alors que dire d'accepter la CGT du nucléophile? La CGT qui défend... C'est-à-dire que la CGT, c'est une organisation, déjà, c'est une organisation de travailleurs pour les travailleurs. Ensuite, oui... Le visage de la CGT, c'est le coûte que coûte le compromis Staline-Obélis, de la défense nationale, de la souveraineté énergétique et militaire. Il y a la ligne de la CGT. Collaborer avec la CGT, c'est collaborer avec le parti. Non, mais moi je ne collabore pas avec la CGT, pas plus qu'avec d'autres. Je ne défends pas la CGT. D'ailleurs, je ne suis pas à la CGT, je suis dans un autre syndicat. Ah, mais là, ça va vous donner de confusion. Mais tu me laisses un peu répondre. Mais si tu veux, le problème, c'est que tu as la ligne politique affichée, peut-être, si tu veux, par la tête de la CGT. Même s'il y a plus défense en partie, qui n'affiche pas, mais parce que m'appelle c'est ça qu'on partie. Actuellement, avec les blocages aux raffineries, je ne vois pas comment on ne peut pas applaudir à l'action de la CGT. Mais après, il y a aussi les gens, on fait la différence entre aussi quelque part les organisations scapegoat et les gens sur le terrain, et qui des fois ne sont pas en accord avec la ligne de leur organisation. Et avec, moi, je suis beaucoup plus de gens, par exemple, même avec des ouvriers qui auraient. Ou des gens, j'en sais rien, qu'avec des espèces d'intello qui ont fait plein d'études et puis qui, eux, ont une stratégie de confusion, d'infiltrer. C'est-à-dire qu'après, les gens... Et puis après, je suis désolée, quoi, tous les militants ne sont pas sur la ligne, forcément, sur tout. Et c'est après à nous de réfléchir à quelles alliances on fait, sur quelle base. Et moi, je ne vais pas vous donner des recettes, je ne suis pas là pour faire un idéologue. Simplement, il faut en discuter entre nous quand on est dans des organisations et dans des luttes. Et puis voilà, et puis après on décide, après en avoir débattu, on décide, hein, peut-être qu'on exclura la CGT, j'en sais rien. Ce qui me semblerait un peu absurde d'exclure le premier syndicat ouvrier, quoi qu'on en pense, sur les luttes sociales. Pour ça, il y avait qui, du coup, je ne sais pas, hein, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a aussi un peu un truc, un peu aussi derrière cette politique, la légitimité quand même du mouvement ouvrier, et puis même des mouvements de chômeurs, des mouvements des gens qui en tout cas subissent de plein fouet la violence du capitalisme, si on commence à les exclure, ça y a un problème, quoi. Après, qu'on puisse leur dire, ben là, politiquement, je trouve que tu déconnes, ou que vous déconnez, et que c'est OK, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi la vocation un peu nous aussi. Alors, des fois, c'est, si on se le prend en plein, effectivement, je ne pense pas dans la tête. C'est pas de dire, bon, on va habiter chacun dans son coin tout seul, et puis on va être vigilant, faisons attention quoi, à nos références, à nos. Et puis corrigeons-nous aussi. C'est pas parce que c'est pas parce que tel ou tel organe, tel ou tel individu déconne à tel ou tel moment qu'il va rester sur cette ligne-là. Enfin, on peut avoir aussi espoir en l'humanité de manière générale, quoi. Ça, ce sera la note positive de la fin. Une analyse d'une situation concrète, ça permet aussi de séparer, de réunir et d'avoir. Autre chose que des éléments de linguistique ou. Mais les deux sont importants, c'est-à-dire. Mais je veux dire, donc, tu voudrais te poser cette question, est-ce que tu ressens aujourd'hui, dans la situation économique, politique, cette ouverture vers un État autoritaire, accepter l'autorité dans c'est un gros fascisme. Risque. Tu vois, alors est-ce que tu peux revenir là-dessus? Ben, c'est mon ressenti, si tu veux, je ne peux pas te prédire l'avenir. Ça serait bien présomptueux et idiot. Non, mais je pense que c'est un gros risque. C'est-à-dire qu'il y a une crise là, grave du capitalisme, on ne sait pas trop si ça en mettra ou pas, mais même si ça en met, soit sans doute que temporaire. Qu'est-ce qui va en déboucher? Ben, c'est pas forcément la révolution sociale. Hein. Et d'ailleurs, il y a des expériences historiques, il fallait forcément faire des parallèles et en fait. En réalité, ça se produira sans doute tout à fait d'une autre manière, mais par exemple, dans les années 30, la solution qui a été trouvée à la crise des années 30 a pu être, dans certains pays, le fascisme, le nazisme. Aux États-Unis, ça a été New Deal. En France ou en Espagne, ça a été le Front Populaire. Donc, à une même situation de crise. Donc, voilà, mais l'histoire n'est pas écrite. C'est un risque. Espérons, faisons en sorte, travaillons à faire que ce risque n'advienne pas et que ça ne se concrétise pas. Mais après, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, le mouvement qui dure, qui a plusieurs formes, qui essaye de se trouver entre autonomie et même la vaillance de la CGT, tout ça, c'est, on pourrait supposer qu'on n'accepterait pas. Mais non, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y a l'espoir en ce mouvement aussi. C'est vachement porteur d'espoir, donc, quelque le part. Mais si tu veux. Il n'a pas d'emprise. Ben si, il a quand même une certaine emprise. Simplement, ces choses sont assez complexes aussi. Et moi, pour moi, il y a quand même un gros risque. On est dans une période fondamentalement de retour de bâton réactionnaire et c'est un risque. Mais justement, et espérons que ce risque ne se concrétise pas. Qu'on travaille ensemble à faire qu'il ne se complexe pas et que des mouvements comme celui-là contre la loi travail, eh bien, ils s'aiment et tout. Mais tu vois, on voit en Grèce, par exemple, à un moment, il y a eu un gros mouvement social, les espoirs Syriza, finalement, ça a été déçu parce que aussi, c'est compliqué. La Grèce n'est pas isolée du reste du monde, est tenue par des traités internationaux, s'inscrit dans le système capitaliste. Même je te dis, demain arriverait le plus radical des candidats anticapitalistes à la tête en France, il ne pourrait pas faire autrement que gérer le capitalisme, puisque. Ça le dépasse, en fait, c'est des logiques beaucoup plus larges et beaucoup plus profondes de société, d'histoire, etc. Donc c'est... Mais après, moi, je garde espoir. C'est vrai que la situation, ça peut sembler un peu déprimant et tout, mais en même temps, non, il y a plein, effectivement, il y a plein aussi d'éléments qui peuvent aussi nous pousser à espérer. Quoi. Et puis, je crois quand même que le danger, il est quand même assez réel de plus, cette confusion oui. qui pénètre un peu dans tous les milieux. Je veux dire, traditionnellement, l'extrême droite et les tendances fascistes et autres, on les retrouvait très pas dans les mouvements sociaux, puisqu'ils étaient là pour les réprimer. Et aujourd'hui, on voit que les groupes avec les réactionnaires, etc., interviennent dans des trucs comme Nuit debout, comme les AG pour la loi travail, etc. Encore plus, par exemple, le syndicalisme jaune au début du XXe siècle a été sans doute mouvement. Ben, le syndicalisme patronal, à la solde des patrons, enfin c'est un vocabulaire jaune, ça veut dire traître, vocabulaire syndical, pour le dire très simplement, a été un mouvement massif, hein, un mouvement de masse, hein, vraiment. Donc, encore que, quoi, hein, c'est. Mais, enfin, je ne dis pas que ce n'est pas des mouvements de masse, hein, le parti nazi ou le parti fasciste, c'était des mouvements de masse, c'est même une de leurs caractéristiques. Mais par contre, ils n'intervenaient pas dans des grèves sociales, dans des luttes sociales, ils intervenaient pour les réprimer. Oui. Là, c'est une forme de répression. Collaboration. Oui, souvent ponctuelle, mais enfin bien réelle, effectivement, où on arrive à s'entendre. Donc c'est aussi quand même un peu. Et tu parlais de la politique de classe contre classe, c'est aussi ça. Ça a été une collaboration à un moment donné du parti communiste allemand avec le parti nazi pour aller taper sur les partis sociaux-démocrates. Mmh. Ce qui était complètement. Il y a des gens qui ont pu théoriser que finalement, et puis encore, c'est un truc qu'on voit un peu aujourd'hui, l'idée qu'il faut que le pirate vienne pour faire chuter le capitalisme et que donc à la limite on pourra l'empire. Enfin, c'est. Et par rapport à ce. Attends, il y a deux autres questions, vas-y, toi. Ouais. Par rapport à ce que tu disais, je pense que. Enfin, par rapport à ce qu'elle dit, moi je pense que là, dans le mouvement contre la loi travail, au final, les idées confusionnistes, elles interviennent. Pas vraiment dans le mouvement, mais elles interviennent comme force pour désamorcer. En fait, c'est à la fois sur un discours, effectivement, le fait de parler d'oligarchie, de ne pas parler de deux classes, d'évacuer ce genre de questions, l'oligarchie, c'est quoi, c'est quelque chose qui est insupportable, c'est pas mon patron, du coup, je vais pas forcément me mettre en grève. C'est effectivement de rassembler des gens autour d'idées, tiens, on va faire une constitution, plutôt que lutter. Oui, on va se retrouver, on va faire une constitution. C'est toujours deux choses. Du coup, et je pense en partie les Nuits debout. Pas toutes les nuits debout, pas dans leur totalité, mais dans les Nuits debout, il y a eu ce phénomène de désamorçage, en fait, d'un conflit qui existait, en dérivant vers quelque chose, on va discuter de politique de manière générale, on va plus aborder la question sociale, on va plus être dans le conflit. Aux Nuits debout d'Alès, par exemple, ce qui a été rétoqué sur les deux, trois premières Nuits debout, là, celles où il y a eu du monde, en fait, c'était de dire, mais non, il faut aborder aucun sujet clivant. Dès que quelque chose est posé, qu'effectivement, va poser une confrontation, mais le conflit, il existe dans cette société, dans la société capitaliste, je veux dire, il est omniprésent. Mais en fait, le nommer, il ne fallait pas le faire. Et alors bon, ça s'est révélé que les gens qui ont le plus tenu ça, c'est effectivement des gens qui étaient proches de l'antivirus et de l'extrême choix, etc. Mais sauf qu'au final, c'est quand même passé. Et les Nuits debout, par exemple, sur Alès, mais comme dans plein d'autres villes, n'ont jamais pu avoir une dimension qui pouvait s'intégrer à la dynamique entre la loi travail. Mais d'ailleurs, ils la rejetaient, par exemple, il y a à Paris, même Ruffin, Lordon, alors qu'on peut dire qu'au départ, avec ces gens-là, ça partait déjà mal, le verre est un peu dans le fruit, mais à un moment, ils ont tenté de dire que ça liait au syndicat et ça a été rejeté. Hein. Donc, en fait, oui, c'est complètement. C'est un mouvement aussi de défense de classe, on peut dire, entre guillemets, sur classe dominante, c'est-à-dire pas la haute bourgeoisie et tout, mais toute la petite bourgeoisie, notamment en voie de déclassement, quoi. Et donc, c'est un mouvement, du coup, de défense et qui est forcément interclassiste et forcément. Puisque l'idée, c'est toujours d'aspirer à faire sa place dans la société capitaliste, pas d'abolir le capitalisme, en fait. Donc, forcément. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre ses statuts. Mais... J'ai une question. C'est bon. Qu'on lit tout ça aux mouvements sociaux actuels. Ah oui, bon, c'est intéressant. Mais, moi, quand j'ai vu l'annonce du débat, quand tu as fait l'introduction, tu as parlé des chemtrails. Il y a des gens, j'entends des discours. Qu'on n'entendait pas avant. Quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup milité, je me suis arrêté il y a une quinzaine d'années, j'entendais jamais parler d'Illuminati. Oui, dans l'éducation nationale, ils ont. Bah oui, d'ailleurs, vous êtes prof. Et de quand ça date? Ça vient d'où? Je me suis endormi pendant un moment. Là, c'est vrai qu'en ce moment, il se passe des choses, du coup, ça donne envie de revenir. Mais c'est perché quand même. Ouais, non, c'est perché, les Illuminati. Oui, c'est perché parce que c'est la reine d'Angleterre, c'est le pape, c'est moi éventuellement. Ça vient ça a rapproché de la théorie du complot chez les francs-maçons, c'est-à-dire qu'il y avait des sociétés, c'était au 17e ou 18e siècle, en tout cas avant la Révolution française, une société secrète, notamment en Bavière, qui s'appelle les Illuminés de Bavière, ce qui en latin donne les Illuminati. Et donc, c'est la théorie qu'ils auraient continué à agir dans l'ombre. Et ça a un peu remplacé la catégorie franc-maçon, mais c'est tout à fait rapproché. Par contre, c'est vrai que c'est inquiétant. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai participé à une formation syndicale à Paris, un syndicat à destination d'enseignants, justement, sur ces questions-là. Et c'est tout à fait effarant. Alors, du coup, je me posais la question cet après-midi, ça ressemble à ce qu'il y a la même chose. Effectivement, vous me donnez en tout cas une réponse. Voilà, après, sur l'histoire de cette théorie-là, du coup, je ne l'ai plus en tête. C'est pas que ça, parce que effectivement, c'est dame de Dieu, mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, il y a un truc qui gêne et puis ça se répand comme une traînée de soupe? Je ne sais pas, je pense qu'il y a ces phénomènes, effectivement, de crise un peu politique, sociale, économique, aussi, après. Et puis, il y a sans doute aussi l'émergence d'Internet, c'est-à-dire qu'on constate quand même qu'Internet est un outil de vecteur de gens qui, au départ, pouvaient être un peu isolés dans leur coin avec leurs théories un peu folles, qui aujourd'hui se fédèrent entre eux et entretiennent ensemble leur paranoïa, etc., etc. Je pense qu'il y a ça. Pourquoi, comment, c'est toujours difficile à analyser, surtout dans le temps d'analyser sa propre réalité. On en reparlera peut-être dans quelques années à froid, là, c'est difficile, c'est sûrement le fruit d'un phénomène social complexe, mais c'est vrai que moi-même, j'ai eu mon bac en 2012, donc c'est pas non plus, j'ai vraiment parlé de ça pendant ma scolarité, c'est absolument, effectivement, quoi, c'est assez étrange, quoi, Ouais, c'est par rapport à toi, les trucs constituants et tout, au final, je pense que peut-être qu'on peut non plus pas être tout à fait pessimiste, parce que moi je vois par chez moi, ils ont fait aussi leurs ateliers constituants et tout, au final il n'y a personne. Enfin, tout le monde s'en branle en fait dans leur tête. Ça fait 5 ou 6 ans qu'ils écrivent, pour le moment j'ai jamais lu un seul article de constituants qui parle de constituants. Voilà, il y a rien. Mais si quelqu'un m'en trouve un, pour aller lancer un concours, je sais pas. Donc au final c'est un peu consistant quand même. Là, en fait. Oui, mais en même temps, oui et non. À un moment, j'ai cru qu'il allait briller. Honnêtement, je pensais, il y a un an, deux ans, plein de soutien à nous lâcher, leur don, j'ai dit, putain, enfin. Et donc, le mec, ben, grillé, y compris dans des milieux, du coup, non, là, il revient. Enfin, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, je sais pas. On va prendre une métaphore, une métaphore un peu moins sympathique, genre on le chasse par la porte, il revient par les égouts, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez bizarre, quoi. Mais c'est ça qui est assez étrange, c'est que c'est complètement, même des fois sur des théories du monde, il y a quand même des gens pour les suivre, il y a des gens pour suivre, ça fonctionne un peu sur le mode du gourou, puis après il y a l'adepte qui va vanter le gourou, qui va lui-même devenir un petit gourou, et c'est assez étonnant quand on voit des fois la bêtise. Les reptiliens. Oui, bah alors les reptiliens, c'est le cas d'après les Illuminati. Vous en entendez parler aussi, les reptiliens? Sur Facebook, sur Internet, oui, parce que les Illuminati, en fait, si on enlève leur peau, il y a des lézards dessous. Oui, mais à la limite, la théorie des Illuminati, c'est vraiment la vieille théorie du complot franc-maçon. Mais la théorie d'un complot qu'on serait dirigé, c'est les reptiliens, en fait, ça vient d'une série qui s'appelait V dans les années 80. Parce que c'est marrant, ils n'arrêtent pas de rejeter l'Amérique et ses valeurs, mais on marquerait la profusion de références venant de la culture américaine. La pilule bleue, la pilule rouge qui vient de Matrix, des pseudos comme Néo, ou enfin, quand on voit ça sur Internet, méfiance, vous voyez des Néo et des pilules bleues et rouges, attention, vigilance. Et donc, c'est assez étonnant. Et en fait, là, quand même, enfin, c'est vraiment une théorie d'un complot que nos dirigeants politiques, économiques et tout, ça en fait des extraterrestres qui asserviraient l'humanité. Ça va un stade presque au-delà du complot franc-maçon. Ou à la limite, les francs-maçons sont des êtres humains, mais là, on est dans le stade où on peut faire intervenir les extraterrestres. Excusez-moi, mais si je puis me permettre. En fait, on vit quand même dans une société qui repose quand même sur la croyance qu'une femme vierge a accouché d'un enfant. Oui, non, mais bien sûr, il est le fils de Dieu, oui, tout en étant Dieu, donc. Je vois vraiment pas pourquoi c'est aussi étrange. Moment, des gens s'enfoncent là-dedans. Quoi. Non, mais c'est aussi étrange, mais c'est qu'on atteint quand même un degré. Et puis surtout, effectivement, ça a l'air d'être générationnel, mais c'est quand même un peu inquiétant qu'effectivement, il y ait autant de témoignages d'enseignants que dans les élèves et tout, et tout ça. Il y a une question là-bas, monsieur a parlé, je crois. Moi, je me demandais, parce que par exemple, on parle des reptiliens, je crois qu'il y en a développé comme ça, mais c'est des trucs qui sont hyper. On rencontre vraiment très peu, enfin, il me semble, tous les jours. En ce moment, dès que je soulève un caillou, il y a un lézard. Oui, oui. parce que tu ne regardes pas bien. Ça ne serait pas aller un peu à la chasse aux sorcières que d'aller chasser les escrocs vaccinés. Ouais, mais si c'est bien, on va pas discuter juste, hein, c'est du cul. Franchement, moi au boulot, un coup j'en parlais comme ça en rigolant. Alors les chemtrails, on demande ce que c'est rapidement. Les chemtrails, les chemtrails, ça vient d'anglais, chemical trail, donc les traînées chimiques, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'un avion pollue, il faut sans plus l'avion et l'évacuation à nos employeurs. Il y a différentes théories. Tantôt, c'est des produits chimiques pour faire une espèce de génocide parce que l'humanité est surpeuplée. Tantôt, on nous voit envoie des cellules sanguines pour diffuser des maladies. Alors, des cellules sanguines à 10 000 mètres d'altitude, c'est assez marrant. Tantôt, c'est des métaux lourds et la preuve qu'ils sont lourds, c'est qu'ils restent tendanciels. C'est vraiment très rigolo. Ce serait lié aussi au projet ARP qui, en fait, était une espèce de c'est un centre d'étude de la ionosphère bien existant aux États-Unis qui a été fermé il y a quelques années. Mais comme il étudie la ionosphère, donc c'est une couche de l'atmosphère particulière, bon, qui entraîne influencer le climat, etc. Il y a tout un tas de thèses, en fait, sur, on fait des tests sur les humains, on cherchera à nous asservir, enfin, il y a tout un tas de thèses. Mais ils vont jusqu'à créer des instituts d'études des chemtrails avec des discours pseudo-scientifiques assez sexuels et des témoignages de gens qui en auraient pas. Du coup, j'ai deux choses. Enfin, pour avoir un petit peu étudié le sujet des chemtrails, donc déjà, je peux vous montrer des photos déjà un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur des avions. C'est pas... Enfin, moi, je vais pas débattre de la... Non, mais je sais pas. C'est justement, moi, j'ai fait mes recherches et donc j'ai vu les photos de l'intérieur des avions qui font les chemtrails. Les vidéos où il y a les avions, où il y a des traînées qui sont faites par interruption. Enfin, ça, après, c'est des vidéos qu'on voit sur Internet. Oui, mais je suis désolée, j'ai fait une recherche. Au cinéma, oui, même dans un film, c'est la légèreté Internet. Mettre en scène. C'est quand même un espace de liberté, Internet. Je sais pas. Voilà, bon, bref, ça pour dire que sur le chemtrail, j'ai déjà fait mes recherches, bon, peu importe. Et ensuite, concernant la franc-maçonnerie, Illuminati, tout ça, bon, je suis d'accord que les reptiliens, c'est vraiment des choses qui ont été inventées. J'ai vu des vidéos, franchement. Ouais, les reptiliens, des fois, j'ai vu une vidéo des reptiliens, ils disent que oui, regardez quand ils clignent des yeux. C'est des vidéos, mais vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Comme ça, c'est ça. Exactement, ouais, c'est complètement parfait. Concernant la franc-maçonnerie, donc, pourquoi, je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant, ça a été un peu, on va dire, occulté, mais on peut prouver qu'il existe bien justement le Bnei Brith, il existe bien la grande loge des femmes de France, enfin, il y a plusieurs grandes loges. Mais alors justement, c'est pourquoi justement contester le fait qu'il... Mais ce qui est contesté, c'est que ce soit du complotisme de penser qu'il y a justement une franc-maçonnerie qui dirige la France. La franc-maçonnerie ne dirige pas la France. Elle existe toujours, mais elle dirige pas la France. C'est une surévaluation du pouvoir. Après, c'est vrai que c'est un sujet tellement tabou que tous les ans, l'Express, Marianne, Le Point font un dossier sur les francs-maçons qui se vend particulièrement bien. C'est vrai que c'est tout à fait tabou. Puis en plus, ces dernières années... la Grande Loge, par exemple, ouvre ses archives, ouvre visites. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit... Mais même de plus en plus de gens qui en sont membres admettent qu'ils en sont membres. On sait que Jean-Luc Mélenchon est franc-maçon, oui, et alors ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est ça qu'on lui reproche ? Ben, Maurice Lézande, la Fédération anarchiste, il était franc-maçon aussi. Oui, non, mais aussi, c'est ça, moi, les gens, en après, plein, et simplement attribuer une espèce de pouvoir particulier à la franc-maçonnerie. À la limite, on peut voir la franc-maçonnerie, sans doute, dans certaines loges et d'un certain degré, comme un espace de socialisation de certaines classes de la haute bourgeoisie ou de la bourgeoisie, tout simplement, même. Mais pas pire, pas moins qu'à la limite, un club d'équitation, un club de tennis. Oui, c'est normal qu'on se socialise en ce genre de la même classe sociale. Et repas du siècle. Oui, par exemple. Bah, c'est pas du complotisme. Il y a la cooptation. Les repas du siècle. Ce qui est du complotisme, c'est grossir le rôle des francs-maçons et dire qu'ils cherchent à contrôler le monde. Voilà. C'est vraiment des espaces de socialisation et de reproduction de ces classes sociales. C'est pas un complot. Je veux dire que les gens appartenant aux classes bourgeoises cherchent à préserver leurs intérêts, par exemple en faisant de l'évasion fiscale ou d'autres choses, en se réunissant entre eux au siècle. C'est pas du tout un complot, c'est dans l'ordre des choses. Je veux dire, c'est dans l'ordre des choses du fonctionnement du système capitaliste. Ils ne font là que reproduire leurs intérêts de classe. Ça n'a absolument rien, ni de mystérieux, ni de complot, ni de... Enfin, c'est pas du tout un complot, c'est vraiment... Comme par exemple, il y a des espaces que l'on connaît moins de la haute bourgeoisie qui sont des espaces de socialisation de la haute bourgeoisie. Il y a, je sais pas, par exemple... comment on appelle ça là, le repas en présent que les jeunes premiers mariage, mais on va dire, voilà, par exemple, ça c'est un espace de socialisation et de reproduction aussi de la bourgeoisie, des clubs de sport, par exemple, on en garde, c'est assez critique, la répartition dans les tribunes, d'un point de vue social, il y a un article récent qui est paru dans la presse, on voit très bien ça, ce côté, et là c'est au niveau mondial, c'est la haute bourgeoisie mondiale qui se retrouve, mais c'est tout. C'est juste dans l'ordre normal du fonctionnement du système capitaliste. Il n'y a pas un complot, en fait. Ça, après, il y a des complots, mais quelque part, avec les complots, quand il y en a, je ne sais pas, par exemple, on peut s'organiser, par exemple, les papiers de Panama, pour faire de l'évasion fiscale. Quelque part, on peut dire que c'est un complot. Mais en fait, ce complot est à resituer dans le fait que c'est une action normale pour défendre des intérêts bourgeois. Ce n'est pas un truc occulte, c'est pas un truc... il ne faut pas y voir un truc secret caché ou quoi. Ça se fait évidemment pas au grand jour. On ne va pas se le chanter sur les toits quand on fait de l'évasion fiscale. Mais enfin, c'est dans la logique des choses, quoi. C'est juste ça. Hein. C'est pas... Non, mais Chomsky avait dit... C'est aussi absurde de voir du complot partout, de n'en voir nulle part. Non, mais j'en vois pas nulle part. Par exemple, je peux te citer des vrais complots. Il y a eu un procès aujourd'hui en Argentine, là, sur le Condor. Ça, c'était un vrai complot. Et ce qu'on n'a pas dit du tout aujourd'hui, c'est que la France y avait envoyé ses anciens militaires d'Algérie qui étaient très formés à ça. Et ça, on n'en parle pas. Et par exemple, l'invasion de la Pologne par les nazis est un complot. C'est-à-dire qu'ils ont monté de toutes pièces une fausse attaque d'un avant-poste polonais pour avoir un prétexte pour envahir la Pologne. Oui, d'accord. Et alors, est-ce que c'est ça qui fait l'essence de l'analyse qu'on doit avoir sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple? Non, c'est en fait un événement relativement anecdotique. De toute façon, la Pologne aurait été envahie. Donc, c'est pas quelque chose... C'est un élément historique parmi d'autres. Mais il ne faut pas y voir un truc... Et effectivement, qu'il y ait des complots, notamment les régimes dictatoriaux. Je veux dire que Poutine, par exemple, que des services secrets, des machins, organisent des opérations sous drapeau. Mais je ne le nie absolument pas. Mais qu'est-ce que ça nous dit? En quoi il faut se focaliser dessus pour expliquer, par exemple, le système impérialiste mondial? En quoi c'est pertinent de se focaliser là-dessus plutôt que sur l'analyse, par exemple, des rapports de force, des liens de puissance, de vassalité entre États? J'en sais rien, tu vois. Ça apporte pas beaucoup, quoi. Ça apporte un... Pourquoi pas. Mais ça, c'est pas à rendre central, tu vois. C'est pas un truc. Et les théories du complot, en fait, peuvent partir de faits réels et des fois même de complots bien réels, mais leur apport d'une importance qui est complètement, exagérée, quoi. J'ai l'impression aussi par rapport au complotisme que c'est devenu une arme aussi par rapport au pouvoir et à l'État. C'est-à-dire dans le sens que toute idée en fait qui rentre pas dans le consensus idéologique du pouvoir, et bien du coup est taxée en fait de complotisme. Non. Ça c'est souvent les complotistes qui nous opposent ce genre d'argument. C'est souvent les complotistes qui opposent ce genre d'argument. Bah non, mais par rapport à certains intellectuels médiatiques, par exemple, je pense à Caroline Fourest ou je ne sais quoi, qui vont mettre les anarchistes, les trotskistes. Oui, mais enfin, qui écoute Caroline Fourest à part les autres intellectuels médiatiques, je veux dire, ou même BHL, encore pire, ils vend pas de bouquin, le pauvre, les cartes au pilon, dès qu'il en édite un. Oui, mais quelle influence réelle ils ont sur les gens, j'en suis pas si certaine. Je ne suis pas si certaine de ça. En réalité, ils ont des influences sur leur propre petit monde. Mais je veux dire, par exemple, les gens, ils voient aussi leur vie quotidienne. Ils ont des décalages avec les discours. Ils ne sont pas bêtes non plus. Quoi. C'est pas Caroline Fourest qui va après et peut dire ce qu'elle veut. Moi, après, sur les figures Caroline Fourest, BHL, je n'ai pas forcément de sympathie particulière pour telle ou telle de leurs idées. Mais ce que je constate, c'est aussi que c'est des figures repoussoires. Alors, pour Caroline Fourest, pour les antiféministes, et pour BHL, pour les antisémites. Pourquoi se concentrer sur ces deux personnages-là? Et qu'est-ce que... Je veux dire, après, ils occupent une fonction sociale. Bon, voilà. Et puis, ils tiennent les discours qu'ils tiennent. Mais moi, honnêtement, je veux dire que quelqu'un, par exemple, comme Michel Onfray, bah, qui se dise anarchiste, si ça le chante, quoi. Mais moi, j'en ai un peu qui aujourd'hui. Tout le monde est ridicule, d'ailleurs, ces gens, dans nos discours à nous. Donc, on peut pas dire, par exemple, qu'ils aient même une influence. Et d'ailleurs, chez les complotistes non plus. Après, c'est pas parce que il peut y avoir des gens qui utilisent à tort et à travers l'accusation de complotisme que pour autant il n'y a pas des discours qui relèvent de la théorie du complot. C'est ça le truc, quoi. Je voulais en dire autre chose, en fait. Moi, par exemple. Il y a une autre personne qui ne s'est pas exprimée. Par rapport à la théorie, justement, du complot, moi, enfin, personnellement, comment je la définirais aussi, c'est un procédé d'explication en fait, historique qui pense que tout événement qui se passe, que ce soit révolutionnaire ou autre, est toujours en fait le fait d'une, pour reprendre leur vocabulaire, d'une oligarchie ou quoi, et qu'en gros, le peuple, ben, pour reprendre leur vocabulaire aussi, il n'a aucune prise en fait sur les choses. Oui. En gros, le prolétariat, par exemple, est toujours trompé. Oui. Dans la Révolution française, eh bien, le tiers état, le prolétariat, ou quoi, a été trompé par les francs-maçons, les Illuminés de Bavière. Et on retrouve cette trame-là, en fait, jusqu'à maintenant, où, genre, par exemple, Alain Soral qui va expliquer que 68, c'est un complot sioniste, qu'il y a un moment donné, quand on les écoute, on se dit, mais en fait, ils sont super forts, parce que c'est une dizaine de personnes, en fait, qui arrivent à mettre en place des révolutions, à mettre en place comme le printemps arabe, c'est la CIA. C'est pour ça que c'est une idéologie à la fois réactionnaire, c'est-à-dire fondamentalement contre-révolutionnaire, et c'est en même temps une théorie de l'impuissance. C'est-à-dire que à quoi bon lutter si tout est concours et si tout est déjà écrit et si l'histoire est déjà écrite, voilà. En fait. Mmh. Et donc c'est vraiment ça, quoi. Et c'est ça aussi le danger qu'il y a derrière, en fait. C'est pas juste que c'est une telle personne, chacun croit les livres de par ce qu'il veut, quoi. Mais. Monsieur, vous aviez... Moi, je veux dire que des jeunes comme Chouard soient de type réactionnaire, utilisent des méthodes les plus insidieuses pour faire passer leurs idées. Au fond, c'est pas vraiment ce qui me gêne. C'est pas vraiment ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que ces idées, elles puissent se diffuser tranquillement au sein du mouvement de contestation sociale. Oui. Voilà. Et c'est à ce niveau, je crois, qu'il faut qu'on mette le doigt dessus. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire un manque d'esprit critique et de formation idéologique des jeunes quoi, qui participent à ces actions, à cette contestation. Et c'est pour ça que ces idées puissent se diffuser. Et je crois qu'un site comme le droit est très utile dans la mesure où il alerte et il met le doigt sur ces choses-là, mais en même temps, il me semble que ça ne suffit pas. Ah, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on en passe le constat de votre présentation, tu mettais le discours, tu mettais l'accent sur le risque de... Et les points que marquait l'idéologie d'extrême droite qui était en train de devenir de plus en plus vivace et de se répandre. Mais je crois que maintenant, il faut aussi qu'on en place à beaucoup plus s'armer théoriquement, à rechercher dans l'histoire, parce qu'il me semble quand même que le confusionnisme, c'est aussi un élément constitutif du fascisme. Oui, bien sûr. Le fascisme, il vient de la révolte aussi du mouvement révolutionnaire. C'est de la révolte qui a été dévoyée, qui a été sortie de ce contexte de classe. Hein. Il est né là-dessus et positionné sur le nationalisme. Donc il y a à la fois ce revenir à des fondamentaux comme ça et à bien reprendre possession de notre histoire et à bien la modifier. Il y a à la fois aussi à se replonger sur les mots qu'on emploie lors d'une intervention aussi, qui a mis l'accent là-dessus, et sur les mots qu'on emploie dans le combat contre le capitalisme. Par exemple, il y a aussi un mot qui me choque, pour désigner le capitalisme aujourd'hui, on emploie le mot de mondialisation. Et mondialisation, ça met aussi dans l'idée de beaucoup de gens, le méchant monde, contre la solution qui est le repli nationaliste. Mais l'extrême droite appelle ça mondialisme. Voilà. Alors que le terme, le concept anglo-saxon de globalisation me semble quand même plus... C'est possible. Je plus juste. Quelle est la nuance? Comment? Quelle est la nuance entre le globalisation et le mondialisation? Mondialisation, c'est l'étendue internationale du capitalisme. Mm-hmm. Tandis que globalisation, c'est qui devient mondial au point de vue géographique, au point de vue de planétaire, mais aussi c'est que le capitalisme, le rapport marchand aujourd'hui est en train de devenir global dans le sens où il est en train d'investir tous les rapports humains. D'accord, oui, ok. Voilà, oui, c'est vrai. Je pense que ce terme, on devrait plus l'utiliser que le terme de mondialisation qui lui ramène au monde qui nous porte tort, quoi, une ouverture vers le monde. C'est sans doute vrai, après. Et je veux dire, et je termine là, tout à l'heure, je veux dire, il y a plein de mots comme ça, il y a plein de termes, plein de concepts qu'il faut qu'on repasse à la moulinette, à l'esprit critique, quoi, pour pouvoir combattre ce système et pouvoir combattre les idées de l'extrême droite. C'est vrai, et puis en même temps, il y a aussi cet usage qui est fait en permanence de la globalisation, de la mondialisation, justement, pas employer le terme capitalisme, comme si c'était honteux, ça fait peur. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une phase particulière en fait du capitalisme, même la phase qu'on appelle, par exemple, parler du travail, ce que disait tout à l'heure, on parle du travail-libéralisme. En fait, juste un truc là-dessus aussi, c'est que quand on parle du capitalisme, là, on parle de l'ultralibéralisme, du libéralisme, tout ça, où on nous met en avant que le capitalisme financier. Oui, et que le avec cet adjectif financier. Or, voilà, on coupe le capitalisme en tranches de saucisson. Comme si le capitalisme marchand, le capitalisme de rente, le capitalisme n'existait pas, et le capitalisme industriel était, lui, le bon capitalisme. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Il faut qu'on repense et qu'on remette dans le discours de lutte sociale tout ce terme et tout ce travail théorique qu'il a fait. Il me semble qu'il n'est pas encore vraiment fait et qu'il faut le faire. Sinon, on a un recul par rapport à ces idées d'extrême droite. Oui, non, mais ça, je n'irai pas pour vous. Et puis, il y a aussi souvent une vision un petit peu fausse qui est de dire qu'il y a une mondialisation qui vient d'arriver là. Ça fait 10 ans ou plus dans la mondialisation. Il y a des tas d'historiens qui ont le développement du capitalisme qui prenait ses sources, y compris dans l'Ancien Régime, où il y avait des échanges marchands au niveau planétaire déjà. La première mondialisation, c'est le 16e siècle. C'est la naissance d'ailleurs du capitalisme. Le commerce triangulaire. Et ensuite, il y a eu une accélération. Ensuite, il y a eu une accélération. Mais pareil, hein, il y a eu des développements, disons, du capitalisme dès le début du XXe siècle. Il y a un développement de l'impérialisme. Il y a même des phases ultralibérales et aussi fin XIXe siècle, par exemple. Il y a aussi une phase à la fois de mondialisation et de libéralisme. Bah, libéralisme, en fait, c'est une politique économique. Hein. C'est la politique de il y a le moins possible de règles et les échanges avec le moins de taxes possible. À l'opposé, il y a une politique keynésienne. De relance de l'économie, mais aussi de fermeture des frontières, de taxation, etc. Mais ça, c'est des politiques. C'est quand il y a des périodes de crise dans le capitalisme, ils essayent différentes politiques économiques, plus ou moins libérales, plus ou moins keynésiennes, plus ou moins de relance, etc. Mais en fond, c'est que des façons pour les capitalistes d'essayer de répondre à la crise. Et voilà, je parle du temps, ça marche pas, quoi. Ça relance pas l'économie. En tout cas, c'est pas anticapitaliste comme être anti-libéral ou anti-mondialisation ou alter-mondialiste selon le terme qu'on préfère, c'est absolument pas forcément pas être anticapitaliste. Une question sur le fond, que ce soit Annie Laforis. Oui. Ça parle du confusionnisme chez cet historien. Bah oui, bien sûr, oui. Notamment parce qu'elle est adepte d'une théorie du complot qui est le complot de la synarchie. Alors, c'est pour résumer, c'est un complot qui est. En fait, c'est un complot vinchiste à la base, un authentique complot, là, pour le coup, qui a dérivé. C'est-à-dire qu'il y a eu un règlement de compte à un moment interne au régime vinchiste, quelques comptes ont été purgés. Je n'ai plus le détail en tête, il faudrait se replonger dedans. Bref, en tout cas, pour trouver un prétexte pour mettre les mecs de côté, voire les éliminer, on a dit qu'on avait trouvé chez eux un livre qui décrivait une société synarque et ses stratégies pour prendre le pouvoir, etc. En réalité, il y aurait eu vaguement un livre écrit avant-guerre par un intellectuel ou un tout petit groupe d'intellectuels qui, en gros, s'amusaient entre eux. Et puis voilà, et du coup, le régime vichyste construit ça. Et en fait, paradoxalement, du coup, le terme synarchique vient de là. Et paradoxalement, ça a été repris après-guerre par le Parti communiste, pareil, ben, dans le sens presque d'une oligarchie cachée, quoi, qui chercherait là aussi à renverser la République, quoi. C'est assez paradoxal, quoi, comment ça passe de l'un à l'autre. Et comme Annie Lacroix-Rive ben, est, au sens propre du terme, parce qu'il n'y a pas que ça qu'on peut reprocher, il y a aussi sa théorie, ses théories sur le goulag, sur l'Union soviétique, c'est une vraie nostalgie de ça. Et elle, pour le coup, c'est un peu comme l'historien italien Domenico Lussolo, réhabilitant Staline. Hein, donc c'est pas... Et en fait, il y a quand même l'idéologie stalinienne est aussi, aussi beaucoup sur certaines théories du complot et aussi porteuse de discours relevant de la théorie du complot. Donc en fait, elle se situe dans cette tradition. Par exemple, il y a un autre mouvement qui parle de synarchie. Alors, je ne sais pas comment ils ont... Du coup, un terme pas tout à fait dans le même sens, puisqu'il vient de la culture américaine, donc je ne sais plus à l'origine quel sens ils lui donnent, mais c'est le mouvement Solidarité à Progrès de Cheminade. Donc, c'est leur théoricien Lyndon LaRouche, qui est un Américain, qui parle aussi de synarchie. Bah, du coup, voyant un rapprochement, que les uns, elles parlent de synarchie, eux parlent de synarchie, l'ont invité il y a quelques années pour conférencer sur la synarchie. Alors que c'est... Là, pour le coup, ce qu'on peut qualifier de secte politique, Solidarité et Progrès, avec un fonctionnement autoritaire de secte centré autour du culte du gourou et en même temps investissant le champ politique, puisque Cheminade a déjà été candidat présidentiel. Et il le sera sans doute, je pense qu'il y a des chances qu'il le soit en 2017, puisque un des engagements, même pas spirituels, mais en tout cas une des obligations de ZAGEP, c'est de récolter des signatures. Ils le font, une élection présidentielle finie, on récolte tout de suite des signatures pour l'élection présidentielle suivante. Donc en général, ils font que ça, c'est assez. Et donc voilà, c'est en ça qu'Annie Lacroix-Rive, on peut lui reprocher d'être. Elle est membre d'une organisation qui s'appelle le PRCF, ça s'appelle Pour un renouveau communiste en France, PRCF. Et d'une organisation intersyndicale où il y a notamment, curieusement, un peu de CGT, mais surtout de la FSU qui s'appelle le Front syndical de classe FSC. Et en fait, ces deux organisations, notamment le PRCF, ont par ailleurs un discours confusionniste, notamment, où on dit complètement la nation et le communisme. Le PRCF, leur symbole, c'est un drapeau français croisé avec un drapeau soviétique. C'est sympathique. Et donc, par exemple, en employant le mythe de la résistance, où ensemble on aurait eu les communistes et l'extrême droite, qui au nom de la patrie, etc., et puis le fait qu'après, le Conseil national de la résistance introduit la retraite, et ça sert de justification, en fait, un discours complètement nauséabond. Voilà, quoi, c'est comme ça qu'on peut la situer, Annie Lacroix-Rive. Après, c'était le national bolchevique, le PRCF. Oui et non, il y a aussi des nationaux bolcheviques en France. Alors le national bolchevisme, il y a eu des mouvements nationaux bolcheviques dans l'Allemagne des années 30, mais ça a eu un renouveau en Russie notamment après la chute du mur, autour d'Edouard Limonov et Alexandre Dugin, qui sont deux intellectuels, qui d'ailleurs sont un peu comme Alain de Benoist, ils discutent à l'échelle européenne pour créer, en fait ils sont partisans d'une espèce de grande nation européenne, hein, c'est un nationalisme européen, donc l'Europe blanche sous égide de la Russie, qu'on appelle l'Eurasisme. Et donc il y a un moment, Limonov a créé effectivement en Russie un parti national bolchevique, dont le symbole était en fait le symbole nazi, sauf qu'à place de croix gammée, on a eu aussi un marteau, noir sur un cercle blanc sur fond rouge, voilà, c'est quelque chose. Et donc, oui, alors, mais ça, c'est lié donc au contexte historique russe, et après, bon, au contexte socialement des années 30, il y a des gens qui se revendiquent. Je ne vais pas dire que le PRCF est Nazbol, l'abréviation, puisqu'ils ne s'en revendiquent pas, et alors qu'il y a des organisations qui s'en revendiquent ou qui en sont des héritiers directs, le mouvement national bolchevique assumé. Alors, en France, c'est la revue Rébellion, qui est d'ailleurs distribuée par Alain Soral, entre autres, et qui est édité par une petite organisation qui est l'OSRE, l'Organisation Socialiste Révolutionnaire Européenne, dont les couleurs sont rouge et le noir, hein, donc pour les libertaires et les anarches. J'ai même vu vendu à Paris d'ailleurs dans une librairie militante qui par ailleurs vendait des choses correctes, quoi. Donc, et ils font l'OSRE, probablement qu'ils en ont fait une aujourd'hui, qu'ils vont la faire ou qu'ils l'ont fait dans les jours précédents, tous les ans, comme les identitaires, une montée au mur des fédérés, donc la partie du Père Lachaise le mur Père Lachaise contre lequel ont été fusillés les derniers communards, puisqu'ils ont une analyse de la commune comme un mouvement à la fois, certes, de revendication sociale, de révolution sociale, mais aussi nationale, et donc ils ont ces discours-là, quoi, complètement, effectivement. Mais c'est, ça peut être voisin, mais j'irais pas dire que le PRCF est au sens strict un parti national bolchevique. Parce qu'il y a par ailleurs un courant et des partis nationaux bolcheviques. Il y a un DVD en fait qui est sorti dernièrement sur la pensée d'un sociologue qui s'appelle Michel Poussard. Oui. Qui a été relayé d'ailleurs par la Jolie d'Affaires et tout, Michel Poussard. Ah oui, c'est formidable. Michel Poussard, en fait, c'est un sociologue qui aurait inspiré notamment Alain Soral. Et j'aurais voulu savoir ce que tu en penses, en fait. Et la deuxième personne, c'est Jean-Pierre Garnier, parce que j'ai vu sur un site. Sur le mien, probablement. Ouais, voilà, Jean-Pierre Garnier qui était traité de dieudonniste. C'est pas traité, c'est qu'ils sont très brûlés, donc. Attends, mon ordi s'est éteint, va falloir que je fasse des références. Voilà, on va savoir un peu les. Voilà, qui est-ce qui a édité le DVD sur Pouscard ? Delga. Tu sais ou pas ? Delga. Ah, Delga. Ben, Delga, c'est la maison d'édition du PRCF d'Annie Lacroix-Ritt, dont tu parlais juste avant. Ben, Pouscard, voilà, si tu veux, les idées de Pouscard, je les connais, j'ai jamais vu Pouscard, donc je ne peux pas me prononcer sur ses idées. Ce que je sais par contre, c'est que ça a été un intellectuel organique du PCF, qui était relativement marginal, enfin peu intéressant dans les années 70, il n'était pas du tout parmi les grands intellectuels organiques, même les compagnons de route du PC, enfin. Et en fait, il y a un regain d'intérêt là, depuis quelque temps pour Pouscard, oui, dans ces milieux confusionnistes, et c'est vrai que je crois, est-ce que c'est Soral qui est très fascinant dans les années 90, quand peu avant sa mort, Pouscard s'était désolidarisé de Soral, mais Soral continue de s'en revendiquer comme une de ses références théoriques, en fait. Après, sur le détail, je sais qu'effectivement, mais probablement par son côté, justement, PC Stahl, un peu à la marché, ou en produit français, ça a toujours cette idée de lier les discours nationaux, les discours sociaux. Ensuite, sur Jean-Pierre Garnier, ce n'est pas une accusation en l'air, il y a des très longues citations d'écrits de Jean-Pierre Garnier qui se sont répétées sur les années 2014 et 2015, soutenant Dieudonné, non seulement soutenant sa liberté d'expression, mais en gros disant qu'il est victime d'une cabale parce qu'il est noir, qu'il est important de dire qu'il est noir, enfin oui, ça c'est un grand bourgeois, c'est peut-être important de le dire aussi, associant par exemple dans cette cabale à la fois Valls et les Anards, et mettant tout le monde dans le même sac, en reprenant une partie du vocabulaire du Front National, puisque Garnier parle du MPS. Pour situer Garnier, oui, j'ai oublié, c'est un sociologue qui se revendique anarchiste, et qui est spécialiste de l'urbanisme et qui travaille sur les problèmes de gentrification, d'embourgeoisement des villes, en fait. Mais je vais vous donner des extraits de ce qu'il a écrit. Alors, c'est des propos réitérés sur au moins un an, et je pense qu'il n'a pas dû changer d'avis. En tout cas, il n'est pas revenu dessus. Et par ailleurs, c'est un des soutiens de Fakir. Alors, pour un anarchiste, soutenir une revue qui fait la promo en permanence de l'État et de la nation française, c'est un peu bizarre aussi, mais par exemple, en mars 2014, à propos de Dieudonné, Garnier dénonçait la chasse à l'homme médiatique, judiciaire, je cite, hein, c'est une citation, judiciaire et policière ouverte contre Dieudonné, et un véritable Front National s'est constitué. Donc on inverse quand même les trucs. C'est-à-dire, le Front National, c'est plus le Front National, c'est un Front National contre Dieudonné. Donc c'est quand même assez gravos. Hein. Là, c'est une rhétorique, c'est presque soralien. Je crois que même Jean Bricon n'irait pas si loin. Ensuite, il continue de la coalition UMPS, qui est un terme inventé par Jean-Marie Le Pen, et du Figaro à CQFD, donc le journal qu'on connaît, article 11 et aux éditions Agon, en passant par le monde diplomatique et le canard enchaîné, c'est à qui s'est mis à crier le plus fort à Raoult sur ce baudet nauséabond, entre guillemets, nouvelle bête immonde, entre guillemets, venu à point nommé faire diversion dans les deux sens du terme au profit d'un régime de plus en plus répressif en voie de fascisation new look, avec un ministre de l'Intérieur aux postures et mimiques très mussoliniennes en Duce potentiel. Alors moi, je veux bien croire qu'on soit dans une dérive autoritaire, mais comparer Valls au Duce comme ça à l'emporte-pièce, ben, il aurait fallu un peu plus d'arguments. C'est quand même un intellectuel et un sociologue de donner. Et surtout, c'est la rhétorique. Là, on est vraiment dans une rhétorique qui est clairement une rhétorique d'extrême droite. L'UMPS, le Front National qui, en fait, est contre Dieudonné, mais n'est pas celui qu'on croit, etc. Après, il se sert de l'argument des jeunes de banlieue pour défendre Dieudonné. C'est sous prétexte que Dieudonné serait largement défendu par les jeunes de banlieue, je ne sais pas en vertu de quelle enquête sociologique d'ailleurs, mais peu importe, et bien du coup, aller dans le sens des intérêts finalement des classes populaires de banlieue, c'est défendre Dieudonné, ce qui est quand même, alors que les intérêts de classe de Dieudonné des gens qui vivent en banlieue, enfin il y a une bourgeoisie aussi en banlieue, mais on va dire des classes populaires du coup en banlieue, c'est pas, on ne peut pas dire quand même qu'il faut les mettre sur le même plan. Donc, alors là, il y a une autre citation. Il est facile de reconnaître un journaliste, un écrivain, un artiste, un militant conformiste. Alors, conformisme, c'est aussi comme le politiquement correct. L'extrême droite emploie beaucoup ça pour dénoncer les discours qui la critiquent. Hein. C'est celui qui se flatte le plus haut et le plus fort, tant dans les médias contrôlés par les puissants, que, à défaut dans la presse alternative, entre guillemets, autorisée, d'être politiquement le plus incorrect. D'où l'emploi systématique, toutes les trois phrases, d'un vocabulaire martial pour défendre des causes qui font l'unanimité, l'antiracisme en tête, de plus en plus limité au philo-sémitisme, qui est un terme qui vient directement de l'extrême droite antisémite du 19e siècle, le féminisme, l'anti-homophobie, l'écologisme, le droit de l'hommisme. Alors, droit de l'hommisme, c'est un terme qui est aussi employé par l'extrême droite pour dénoncer la défense des droits de l'homme. Donc là, on est quand même vraiment dans une rhétorique... Par certains anarches. Hein ? Par certains anarches. Oui. Oui, ben forcément, puisque perméabilité, mais c'est aussi employé... oui, c'est... Mais oui. Pelletier, par exemple. Comment ? Pelletier, par exemple. Oui, probablement, mais il y a des perméabilités, mais quand même, la base de l'emploi, et puis l'emploi qu'on voit souvent, même dans l'espace, on va dire, politique et médiatique dominant, c'est le clan Le Pen qui parle de droit de l'hommisme, c'est pas... là encore. Et donc, en fait, il faut pas... C'est conformiste, en gros, si je résume ce que dit Cigarnier, c'est conformiste d'être antiraciste, d'être féministe, d'être contre l'homophobie, d'être écolo et de défendre les droits de l'homme. Enfin, il faut quand même un peu... Et bon, monsieur serait anarchiste. Ensuite, ça, c'est un texte qui doit dater, je crois, de 2015. À la fin de l'année 2013, au début de 2014, ma position à propos de l'affaire Dieudonné m'a valu une rupture avec certains cercles de la gauche radicale. L'acteur noir, il est important de le préciser, satirique et comique Dieudonné, très populaire parmi les jeunes Français d'origine maghrébine et africaine, fut l'objet d'une campagne médiatique orchestrée visant à interdire ses spectacles. C'est ce que je vous disais, l'usage du coup de la figure, on va dire, d'ailleurs largement fantasmée, les jeunes Français, c'est quoi, les jeunes Français d'origine maghrébine et africaine, qu'est-ce qu'on est derrière, bon bref. À cette campagne participait non seulement la droite officielle, qui allait jusqu'à son aile la plus réactionnaire, mais non le Front National. Il le précise en incise. Donc c'est important de préciser que le Front National n'a pas fait partie de cette cabale. Qu'est-ce qu'il faut en penser sous-entendu? Que là, le Front National était fréquentable sur cette question. Et la fausse gauche, mais aussi la gauche dite alternative, en incluant les anarchistes et les libertaires. Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné et d'autres journaux à vocation critique faisaient partie de cette meute que l'on retrouve de la bête immonde Dieudonné. Et il y en a d'autres, hein, des salades comme ça, c'est sur 3 ou 4 textes, donc c'est pas tout à fait en l'air. Les accusations qu'on a, l'argumentaire qu'on a développé sur Jean-Pierre Garnier, c'est lui qui écrit ces textes-là, c'est pas moi, je lui ai pas tenu la plume. Hein, donc à un moment donné... C'est quand même extrêmement grave, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est particulièrement apprécié dans les milieux anarchistes et libertaires, entre autres, pas seulement, mais entre autres, quoi, et dont les travaux sociologiques font quelque part référence pour les gens qui luttent contre la gentrification, les inégalités dans l'espace urbain, etc. Utiliser légitimement la notion de fil plus repoussoir, quand en l'occurrence tu parlais de Corinne Forest et de BHL, soit effectivement la figure repoussoir de l'extrême gauche politiquement correcte. La figure repoussoir, c'est quoi l'extrême gauche politiquement correcte? A bien été la figure repoussoir. Oui, mais c'est quoi l'extrême gauche politiquement correcte? Certains consensus idéologiques en France. Alors là, je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir, en fait. Dit que tu as utilisé la notion de figure repoussoir. Oui, j'ai en parlé de figure repoussoir. J'ai dit que c'était. Je trouve que c'était justifié. De même, je fais l'association en pensant que Dieudonné aussi a été une figure repoussoire par certains consensus idéologiques qui s'est créé. Mais ce que je dirais par exemple sur Dieudonné et Soral, qui peut aller éventuellement dans ce sens-là, et moi je pense que Dieudonné et Soral sont des personnes indéfendables, quand bien même Valls lui ferait des procès, c'est pas la question. Pour moi, c'est. Et ils défendent des idées indépendantes. Bref. Donc, à ça, ce qu'ils disent, c'est par exemple l'argument des soutiens de choix qui disent qu'il a créé son lien avec Soral, en fait, ça suffira à créer la frontière. C'est venu effectivement ce sens-là des figures repoussoires. Il suffit de ne pas être dieudonniste et de ne pas être soralien pour être complètement blanchi de tout soupçon d'accointance. Alors même que des fois, certains d'entre eux ont par ailleurs des liens avec l'extrême droite. Enfin, Chouard continue. Tous ces défenseurs, il a retiré son lien vers l'égalité et réconciliation. En réalité, c'est pas seulement un lien vers l'égalité et réconciliation, mais il y a aussi des dizaines de liens vers plein d'autres fachos et plein d'autres nazis sur son site qui y sont toujours, etc. Et en ce sens-là, c'est aussi des figures utilisées effectivement par certains confusionnistes, voire par certains militants d'extrême droite. Pour revendiquer de ne pas être fasciste, puisqu'ils sont contre Dieudonné et Soral, en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu facile, quoi, mais il y a eu cette espèce de frontière, c'est des choses qu'on voit un peu, notamment chez certains qui sont venus à Nuit Debout, Je vois à Paris un certain Sylvain Baron, par exemple, qui se présente comme un démocrate, il veut réformer la démocratie, alors il traîne avec tout un tas de fachos, etc. Mais il traîne avec des soraliens, d'ailleurs, mais lui-même se dit pas soralien, donc il serait dédouané de tout extrémisme de droite, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça aussi, sur l'usage politique qui est fait des figures de Soral et Dieudonné, en fait. Si on peut imaginer que le mouvement social peut bouger la loi contre la loi travail, oui. Pourrait aboutir dans la mesure où des gens, quand des actions se réunissent, des groupes, des pensées, de gens pensant différemment se réunissent, le tableau que tu dépeins n'est pas très pessimiste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelles sont les limites à cette union? Est-ce que vous dites que, par exemple, pour lutter contre la loi travail, il pourrait être opportun de faire une alliance ponctuelle avec des organisations, y compris l'extrême droite, c'est ça? Ou pas que vous, j'en comprends pas bien. Non, c'est parce que, non, mais je ne sais pas, parce que c'est des thèses qu'on entend aussi. Non, c'est des thèses qu'on entend et c'est des questions qui peuvent être parfois discutées. Non, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Du coup, je reformulais parce que je n'ai pas bien compris. Non, enfin, j'ai simplement dit unir certaines forces. Oui, mais lesquelles, du coup? Oui, lesquelles? Mais d'après ce que vous dépeignez, moi je connais très peu de choses en politique, d'après ce que vous dépeignez, finalement, ça non. Voilà, au bout du compte, est-ce qu'il y a un espoir? J'ai dit qu'après, c'était à nous d'avoir ces discussions dans nos luttes. Quand on est entre soi, de personnes d'idées assez proches, eh bien, on peut arriver à se dire bon, mais on va essayer de, je sais pas, de révolutionner, etc. D'accord. Mais si on considère que on tient compte aussi des autres opinions, des autres personnes, des autres éléments, on se réunit pas, on les bouscule. Non, je crois que j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que je disais. Déjà, c'est dans nos luttes de débat, des alliances qu'on ne fait pas, et moi, je ne vais pas vous dire ce soir quelle est la recette avec qui vous devez ou pas vous allier. Ça, c'est un premier point. Moi, j'ai vocation à informer sur ce que je juge être des dérives. À partir de là, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas une donneuse d'ordre. Ensuite, après, il y a quand même des limites à poser aux alliances. Et par exemple, effectivement, ce que je disais tout de suite, c'est vrai que c'est d'ailleurs un argument des fachos de dire unissons-nous, puis après, en gros, ça fera la gueule sur la gueule après, un coup qu'on aura. Et ça, c'est une grosse erreur, surtout dans une période où c'est la pensée réactionnaire qui a le rapport de force en sa faveur. C'est-à-dire que ça ira jamais dans l'autre sens. Peut-être que dans notre période où on serait dans un cadre où les pensées socialistes, anarches et tout, on pourrait se dire qu'intégrer des éléments communs, ben, au contraire, on va dire à Yann, ce serait probablement une stratégie payante. Mais là, le problème, c'est que c'est l'extrême droite, cette stratégie, et que c'est elle qui a l'avantage. Et que du coup, voilà. Moi, après, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est à chacun de voir dans ses luttes, mais je pense très clairement qu'on ne peut pas s'allier avec tout le monde. Après, ça dépend aussi. Des fois, on a des groupes affinitaires. Des fois, mieux vaut être peu nombreux, bien accompagnés, que très largement nombreux à n'importe qui. Ceci dit, c'est vrai que si on est trop peu nombreux, bah, effectivement, c'est pas comme ça qu'on va changer des choses, on est bien d'accord. Donc, c'est un équilibre complexe à trouver. Voilà, après, moi, je vais pas vous donner la recette. Hein. Je donne des éléments. Vous en faites. Alors, il y a deux interventions où vous juste organisez. Pour dire que tout dépend de ce qu'on considère. On se réunit pas pour se réunir, mais pour avoir des opinions. On se réunit aussi pour faire des choses. Et donc, il n'est pas question pour moi, par exemple, que j'aille affronter l'appareil d'État, ou l'appareil d'État, c'est une force de police, pour me retrouver ensuite, traîner devant les tribunaux avec quelqu'un qui ait des opinions d'extrême droite, je m'en fous, mais sur un terrain dans lequel sa défense de ce qu'il a fait va être une défense d'extrême droite. Il va avoir des questions de ça pour moi. J'ai pas envie d'être confondu avec ce genre d'individu. En plus, on sait aussi la perméabilité. La boussole change, à partir du moment où on cesse de considérer que ce sont les opinions qui déterminent les actes, mais que plutôt que ce sont les actes qui donnent une place circonstanciée et d'une certaine façon relative aux opinions qu'on en a. Hein, parce que c'est bien ça. Hein, dont il est question. C'est qu'on discute de théorie précisément pour cadrer dans quel cadre on va agir et pas le contraire. Mais avec après aussi des nuances, c'est-à-dire que par exemple, avoir des militants, c'est tout simplement une question de sécurité. Avoir accepté des militants, par exemple d'extrême droite dans nos luttes, ben, c'est accepter des potentielles balances qui vont aller donner des noms de militants à soit leurs copains fachos, soit leurs copains flics, puisqu'on connaît la perméabilité qui existe entre aussi. Alors même sans entrer dans les discussions théoriques et la théorie, l'action, comment les deux s'articulent, moi je peux même rester sur un point très concret, très basique. C'est une question de sécurité, en fait, tout simplement aussi, quoi. Mais sans la question politique est très importante, hein, mais il y a aussi ça, quoi, auquel il faut penser. Par exemple, le fait qu'il y ait, alors, sans doute que vous êtes moins confrontés à ça ici, en tout cas, j'en ai discuté, ça n'a pas l'air d'être le cas. Nous, à Paris, on est extrêmement confrontés à tout un tas, il y a de plus en plus de chaînes YouTube d'extrême droite, etc., et on est confronté à ça. Et alors, non seulement on est filmé par des journalistes qui, des fois, ben, les flics le disent d'ailleurs, qui se servent des vidéos pour reconnaître des soi-disant casseurs et pour arrêter des gens, mais là, en plus, on peut être aussi filmé par des types d'extrême droite, quoi, et qui vont nous ficher pour leurs trucs, etc. Ben, y a, par exemple, il y a le nom d'un des mecs qui a été arrêté pour avoir participé à la voiture de police brûlée. Visiblement, bizarrement, la grande presse n'a pas cité les noms des mis en cause. Par contre, le nom d'un des camarades est sorti sur des sites extrême droite alors qu'il est encore en garde à vue, par exemple, etc. Bon, ça sans doute sur la base que c'est, alors soit c'est les flics qu'on va lancer, soit c'est qu'il a été reconnu, j'en sais rien. Probablement que c'est les flics qu'on va lancer, mais il y a des cas où carrément, ben, c'est un danger, quoi, d'être filmé par ces gens-là. Après, ils se visionnent les vidéos, ils se les échangent, ils se les commentent. Moi, par exemple, avec d'autres, on fait un travail de surveillance, notamment sur les réseaux sociaux, les réseaux, de qui est avec qui. Des fois, ça va très loin. Hein. On peut étudier des groupes, enfin étudier, en tout cas, surveiller des groupuscules de 3 personnes, vous voyez, sur la France entière, etc., pour voir un peu comment la nébuleuse. Il ne faut pas croire qu'ils ne font pas la même chose en face. Hein. voilà, quoi, c'est... Ouais, je voulais dire qu'on va juste une anecdote. J'étais parisien avant, je me rappelle par exemple d'une action qui avait été faite pour les sans-papiers, où il y avait plusieurs dizaines de personnes qui s'étaient fait arrêter, et on avait su direct que les OPJ qui avaient fait les gardes d'identité étaient déjà beaucoup en double, une pour les services de renseignement de la police et une pour les services du Front National. Oui. Donc ça, c'est dû, effectivement, il y a un vrai, l'extrême droite fait un travail de fichage, pas seulement des milieux antifascistes, des milieux d'extrême gauche. Oui, largement, parce que par exemple en Bretagne, il y a Brezatao, qui est un site d'extrême droite de nationalisme breton, qui a diffusé à plusieurs reprises des photos avec accompagné des noms et de toutes informations possibles, par exemple, des militants d'extrême gauche quimpérois, donc des gens de NPA, CNT, Front Gauche, etc. Mais aussi, c'est arrivé, je crois qu'ils l'ont fait sur d'autres villes, quoi. Donc c'est vrai, quoi, oui. Et c'est en plus, c'est après, un coup que c'est en ligne, c'est très difficile à faire retirer. Enfin, et en fait, ils ne sont pas dans l'illégalité. On a le droit de diffuser, c'est considéré comme relevant d'informations, et c'est très difficile. Après, il y a des droits à l'image, on peut faire retirer, sauf que les juges vont en général être indulgents. Si ce n'est pas accompagné de propos diffamatoires et tout, il faut prouver un préjudice, et là, c'est compliqué, quoi. Donc, il faut prouver qu'on est vraiment de se faire casser la gueule. Enfin, et là, ça devient très compliqué, donc on ne s'est pas fait casser la gueule. J'ai dire autre chose, hein. Peut-être pour répondre à la question. Je pense que là, ce qui est dépeint, enfin, c'est des groupuscules. Dans un mouvement social, c'est le jeu, c'est au niveau de... il y a un moment donné, il y a plein de gens qui se mettent en branle. Et d'ailleurs, ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, c'est qu'au final, ce que va avoir été l'action là, de ces groupes, notamment, on a surtout vu Chouard, les antivirus, les citoyens volontaires, machin, au final, ça a été dit sur d'autres villes, à Paris, à Avignon, à Alès. Au final, ça donne pas grand-chose. La dynamique sociale, elle dépasse ça. S'il y a une dynamique qui prend... social, de mise en critique de l'existant, de rapport de force contre la classe dirigeante et ce genre de choses. En fait, l'extrême droite dans sa globalité, elle est un peu à fond. Oui, elle sera à fond. Par exemple, par hasard, parce que je passe de temps en temps, passer sur le site d'égalité et réconciliation, je vois un article sur ce qui se passe au mouvement. En fait, ils disaient rien, c'est des espèces de sous-journalisme. Il n'y avait aucun discours politique. Ils n'arrivent même pas à prendre la position sur ce qui se passe actuellement. De fait, si le mouvement devient très fort, ça affaiblira tous ces courants au sein du mouvement. Par contre, ils ne sont pas si corpusculaires qu'on croit. Hein. Chouard et Rabhi et des gens comme ça, puis des gens des fois aussi, pense à Michel Coluche, tout le monde, c'est Nupé qui lui est, du coup, c'est un journaliste belge, pareil, culture stalinienne, qui est aussi un peu, pareil, anti-impérialiste, il soutient des dictateurs, souverain anti-impérialiste, pour résumer. Bah, c'est un newsletter, et je ne sais plus combien d'abonnés il clame, mais il y en a plusieurs dizaines de milliers. Hein, donc on est loin d'être dans du négligeable, en fait, c'est... Alors après, il y a les réseaux sociaux, il y a le terrain, mais moi, quand j'ai commencé là-dessus, il y a 5 ans, avec un copain, on nous prenait pour des fous, on exagérait, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient des manifs, par exemple, ils appellent à une manif sur Facebook, je ne sais pas, moi, il peut y avoir 10 000 fans qui disaient « on y sera », et puis sur place, ils se retrouvaient à 20, et là, on se disait effectivement, bon, ça reste de l'événement. Sauf que petit à petit, ça se renforce. Par exemple, on a eu le mouvement du 14 juillet, je n'aurais jamais cru que ça puisse rassembler à peu près 2 000 personnes dans Paris, mobilisation Facebook. Fasciste, 2000 personnes le 14 juillet, pas cette année, le précédent. Donc ça devient quand même, au bout d'un moment, en fait, moi j'observe un renforcement, en fait. Et c'est vrai qu'un mouvement social fort serait un moyen de, enfin, un moyen, en tout cas, aurait pour effet, de toute façon, de marginaliser ces gens, puisqu'ils n'ont rien à dire sur ce terrain, et puis ils n'y sont pas. Le Front National peut tenir tous les discours qu'il veut, on ne les voit pas les manifs, enfin, en même temps, on n'en voudrait pas, mais en tout cas. En tout cas, il ne fait rien contre la loi travail, par exemple. C'est des gens, voilà, ils n'ont pas de légitimité particulière issue de la lutte, quoi, et du terrain. Après, c'est vrai ce que tu dis, il y a une prégnance, on l'a vu localement, quoi. Oui, c'est un ces dernières années, de plus en plus, en fait, régulièrement. Bon, par exemple, les réconciliations sont assez développées dans le secteur. Ils ont quand même ouvert une école sur Nîmes. L'école privée confessionnelle, c'est la deuxième année, là. C'est la deuxième année, donc c'était pour en tenir. Ouais, ouais. Ils ont une ferme vers Andus, qui est relayée par Alain Soral. Il y a tout un tas de trucs. Je crois le 14 juillet, il y a eu des réunions à la salle il y a près d'un an. Il y a eu tout un tas de groupes comme ça qui sont dans cette nébuleuse, on va dire, un peu cette extrême droite, un peu plus moderne, un peu plus attractive, qui surfe sur les réseaux sociaux et tout ce genre de choses. À une crise qui se développe dans le secteur, ça c'est sûr. Ça c'est un truc qu'on manque. Et du coup parfois ailleurs. C'est un truc d'ailleurs globalement que nos courants manquent, c'est la capacité à communiquer en fait sur. Parce qu'ils sont très très doués. Alors il faut dire qu'ils ont les moyens en général. Quand on étudie les classes sociales dont sont issus tous ces vidéastes, c'est souvent des gens assez aisés, issus de familles assez aisées, et qui ont presque tous fait des études dans la vidéo, le journalisme, la com, enfin, et ils font des sites hyper pro, des montages hyper pro. Alors l'agence Infolibre, qui est un des gros sites confusionnistes, si on va dessus, après c'est plus un site d'info généraliste. C'est très bien foutu, sauf qu'après, quand on descend, on voit du Faurisson, on voit du Dieudonné, et ils font des vidéos, par exemple, sur le mouvement social, qui peuvent paraître relativement nettes par rapport au traitement médiatique général. Et du coup, les gens les partagent sur Facebook. Et un partage Facebook, c'est qu'en fait, les gens partagent beaucoup de choses sur Facebook, ils ne visionnent pas vraiment sans vérifier la source. Et en fait, eux, ça leur importe peu. Ce qui compte, c'est les clics, c'est le nombre de clics, ils sont très traités là-dessus. Et nous, sur ce terrain-là, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et sans doute qu'on n'a pas les mêmes moyens et les mêmes ressources et les choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un coche qu'on manque quand même, quoi, aussi. Alors, il y a le monsieur qui ne s'est pas expliqué. Non, ce que je peux voir par rapport à ça, justement, c'est que toute leur idéologie, elle part par le dos. Tous les gens qui croient, j'ai quand même pas mal de copains qui sont assez touchés par ce genre de conneries, ils leur donnent des bouquins, parce que nous, c'est plus la lecture. Ah, ils n'ont pas le temps, c'est trop long. Mais ça, moi je ne pas lire. Mais moi, je ne suis pas contre le support vidéo. Oui. Ils font que la Mais nous, moi, on a que la lecture en support. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est pas tant moi. Interviews et tout ça qui fait marcher. C'est ça, exactement. Et après, il y a aussi le truc, c'est-à-dire que par exemple, ils adorent se mettre en scène. Ils font des vidéos selfie, quoi. Ils commentent et ils se rendent sympathiques, etc. Moi, par exemple, j'irai jamais faire une vidéo selfie. C'est me mettre en danger immédiatement. Sinon, c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas filmer, de ne pas prendre de photos. C'est que si après ça traîne, c'est un danger même physique, quoi. Donc c'est vrai que du coup, il faut qu'on trouve d'autres formats pour rendre les choses attrayantes. Il faudrait qu'on trouve. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Et il faudrait varier, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui aiment bien lire des textes, mais il y en a d'autres qui aiment bien écouter du son, puis il y en a d'autres qui aiment bien regarder des vidéos, quoi. Ça, c'est vrai. Et après, je ne dis pas que là-dessus, moi, je ne fais pas de vidéos, je fais un peu de son, mais des vidéos, c'est vrai, mais je n'ai pas les compétences techniques, c'est toujours le problème, par le temps, les compétences. Je vais peut-être prendre une des dernières interventions pour ma conclure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir là, par monsieur? Non? Oui? Deux personnes? Ben, allez-y, l'un et l'autre, et puis je réponds. Non, Olivier, un premier. Non, juste celui-là. dire un truc un peu qui m'a gêné quand j'ai lu ton site, c'est que, bon, c'est que je connais aussi un peu les gens dont tu parlais, et que tout d'un coup j'ai retrouvé, alors en plus là, avec des explications un peu confondues avec l'extrême droite, ça fait un peu bizarre en réalité. Bon, même si dans la réalité, quand Jean-Pierre Garnier avait eu certains positionnements par rapport à Ruffin, par exemple, c'est un peu gênant de connaître les gens, de savoir un petit peu leur, leur poids, leur valeur ailleurs, dans certaines choses. Bon, ils ont fait des conneries, ils font une connerie, un truc avec lequel ils font, mais je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'il faut complètement les... Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, attends, je vais vous demander, j'ai remarqué un truc qui m'a choqué dans ce que tu as exprimé. C'est par exemple, par rapport à Ruffin, à un moment, pour ça, je pense que des fois, il y a un peu une exagération, et je ne sais pas si tu t'en rends compte. Mais par exemple, tu dis que... Lordon et Lordon et... Merci Patron. Donc, tu as une manière de dire que qu'ils ont profité des nuits de goût pour promotionner le film, par exemple. Eh bien, ça, je trouve, c'est. Ben non, moi, je suis désolée, le film est sorti depuis vachement plus de temps. On est allé le voir plusieurs fois, il y a vachement de monde. Mais bien sûr qu'il était donc, sorti. Donc je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est bien sûr qu'il était. Mais bien sûr qu'il était sorti avant. Alors est-ce que ça veut dire que c'était programmé, tu vois? Ben, c'est plus ou moins programmé puisqu'ils se sont réunis deux semaines avant pour organiser le truc. Mais le film était sorti. Oui, mais je ne sais pas, ça n'empêche pas qu'il y a quand même une opération de promotion du film. Il y a un mouvement, le film sort avant le mouvement social, le mouvement social se déclare, mais enfin se dit, bon, ben, il y a des affaires à faire, mouvement social, moi je fais un film qui traite des problématiques sociales, c'est aussi comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Et du coup, ça lui fait une deuxième vague de spectateurs, un nouveau truc, et puis lui, il a eu des tribunes dans les médias, donc comme il a un égo surdimensionné, ses chevilles ont... Enfin, il a encore souffert d'hypertrophie des chevilles, c'est... Effectivement, mais ça a été conçu comme ça, Nuit debout, moi j'y peux rien. Si c'est eux qui ont conçu Nuit debout avec cet objectif-là, c'est même pas caché. Ils le disent, il y a des articles même dans la presse qui ont été interviewés. Ils le disent qu'ils ont discuté ça à 10 dans un bar. Et d'ailleurs, quelques semaines avant Nuit debout commence, Fakir avait édité un 4 pages. Alors à l'époque, ils appelaient ça la nuit rouge, mais ils appelaient déjà pas se coucher dès le 9 mars, rester le 31 mars. Et c'est une opération marketing, bien sûr. Comme le film Demain est sorti bien avant, a été césarisé, mais le fait qu'il soit projeté devant des milliers de personnes à Nuit debout Paris, ça, c'est une opération marketing. C'est pas quelque chose. Après, je voudrais quand même répondre avant que tu continues, parce que tu as dit beaucoup de choses sur ta première partie de question, et c'est une question importante ce que tu m'as dit, sur le fait de mettre tout le monde dans le même sac, si je résume, c'est ça que tu me reproches. J'ai peur de... Alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que d'une part, le sac, ils s'y mettent tout seuls, c'est pas moi qui les y mets. Ensuite, l'article est quand même rubriqué. On ne trouve pas Frédéric Lordon à la même rubrique que les Soraliens, donc il y a quand même une catégorisation. Ça mélange des faits qui sont factuels et ça mélange aussi des analyses théoriques avec lesquelles, pour le coup, on peut ne pas être d'accord avec la critique que je fais de Frédéric Lordon, ou qu'on fait, puisque c'est un facteur. Oui, mais justement, sur cette catégorisation, est-ce que tu peux peut-être la récapituler aussi? Autant quand tu parles de Chouard et de rapprochement avec Soral, oui, moi, ça me fait classer immédiatement extrême droite. Du coup, est-ce que le souverainisme de gauche, on peut être contre? Mais du coup, moi, je ne le mettrais pas forcément dans la mais même j'ai catégorie. Pas écrit que Frédéric Lordon était d'extrême. Non, je ne dis pas Thalissa, je te demande. Je dis pas Thalissa, je te demande justement de le rééclaircir. Parce que... Moi, je parle d'un point de vue c'est qui est question ici. Oui, non, mais c'est pas, vous n'êtes pas la première à me poser la question, c'est pour ça que c'est important d'y répondre. Et voilà, alors après, ma réponse, c'est qu'effectivement, le même sac, il s'y met. Ensuite, sur le fait que ce serait une erreur, comme si comme ça, moi, je suis pour le droit à l'erreur. Mais là, on est sur des erreurs répétées. Jean-Pierre Garnier, c'est une série de 3-4 articles sur un an. Hein. Donc, on est quand même sur une prise de position par rapport à Dieudonné. qui ne relève pas de la simple erreur de parcours. Il aurait pu aussi bien dire qu'il avait raconté des conneries et qu'il s'en excusait, c'était pas trop un problème. Et tous ces gens-là font des, entre guillemets, des erreurs répétées qui en fait sont plus des erreurs, s'inscrivent dans... Et ensuite, il y a quand même aussi le truc, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas l'excuse de ne pas savoir ce dont ils parlent. Enfin, Lordon, c'est un intellectuel, ils occupent des positions d'intellectuel, des positions, ils ont la velléité de faire la politique. À un moment donné, il faut assumer ça, c'est-à-dire assumer qu'on a des positions politiques. Quand par exemple, il y a quelques années, par exemple, tentative au niveau des souverainistes, justement, de gauche, de droite, de rapprochement entre l'Union populaire républicaine et François Asselineau, et justement le PRCF de la Croix-Rive dont on parlait et quelques autres. Bon, ben, à un moment, c'est bien sur une question politique qu'il y a une alliance qui se forme. On ne peut que lui donner un sens politique. C'est pas comme si Nani Lacroix-Rive avait dîné avec François Asselineau dans un cadre privé. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, vraiment, parce que souvent on nous dit, oui, vous reprochez à machin de connaître truc et de dîner avec. Non, c'est pas de la vie privée. Moi, je m'en fous de la vie privée des gens. Mais il y a des choses bien politiques qui se font. Et moi, après, des gens qui sont diplômés, qui en plus prétendent donner des leçons à la terre entière, comme Frédéric Lordon, François Ruffin, et puis qui passent leur temps à tenir dans leur journal, pour le Ruffin, des propos sexistes, qui même avaient abrité pendant longtemps une rubrique justement animée par des souverainistes et de gauche et de droite, et même par un négationniste qu'il y avait dans l'équipe, que je vous signale et qu'il n'y voit pas malice. Bon, à un moment donné, on ne peut pas dire que ce soit qu'il n'ait pas été averti, c'est donc que c'est assumé. On ne peut pas en tirer une autre conclusion. Quand des féministes lui disent ouais, il y a des conduits sexistes, sa réponse à Ruffin, c'est comment ose-t-on m'accuser d'être sexiste? Ben, je suis désolée, c'est loin d'être satisfaisant. Voilà, et ça c'est des choses qu'il faut assumer politiquement. Quand on fait de la politique, on assume ce genre de trucs. Donc Ruffin ne doit pas l'assumer. Et ça, c'est ça, malheureusement, c'est pas moi qui invente ça, c'est eux qui se mettent tout seuls dans ce bateau-là. Moi, après, ils peuvent en sortir, hein. Ils sont libres à un moment de revenir sur leurs engagements passés. Tout le monde a des histoires militantes et politiques. On peut très bien faire un retour critique sur son propre parcours. Non, mais par exemple, quand je dis, je pense que tu exagères un peu dans, par exemple, la manière que tu as eue de justement de dire de Garnier. Et par exemple, quand tu parles du ministre, bon, tu as dit que ça, je les ai lus, les articles. Il a un discours d'extrême droite. Il a un discours d'extrême droite qui, dans cette salle, n'est pas d'accord avec le fait que ce que j'ai lu tout à l'heure n'est pas un discours d'extrême droite. Moi ? Pas moi. Bah, vous peut-être, mais ce n'est pas la majorité. Non, quand on parle du RPS, quand on parle. Moi, je suis désolée. Quand on dit que le Front National, qu'il faut pas lui donner, alors même que. Pourquoi employer le terme de Front National alors que même non, que Dieu. C'est de la connerie. Mais c'est de la connerie répétée. Puis Garnier prétend faire de la politique. C'est pas comme si c'était une discussion au Café du Commerce quand même. Il écrit des textes. Il prétend faire de la politique. Mais c'est pas loin de la politique. Mais non, c'est pas loin de la politique. Moi, je vais déporter personne, même pas Garnier. Il est libre d'écrire ce qu'il veut. Je suis aussi libre de dire que je suis pas d'accord avec ce qu'il écrit. Je peux te dire, c'est pas loin de la politique. Pas la politique. Mais je suspecte de pas. Il a écrit. Je ne comprends jamais. Mais je ne le suspecte pas. Je ne le suspecte pas. Non, je ne le suspecte pas. J'apporte citation à l'appui la preuve que Jean-Pierre Garnier tient un discours d'extrême droite et défend un militant fasciste. Et y compris Michéa. Je suis désolée. Michéa, c'est un réac. Je suis désolée. Alors, vous ne pouvez peut-être pas être d'accord, mais c'est argumenté. Et vous avez le droit de pas être d'accord avec l'argumentation que je fais sur Michéa. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec Michéa qu'on est dans la police politique. Je suis désolée, on a quand même le droit de ne pas être d'accord avec Michéa. Mais c'est des termes dans lesquels tu suspectes Michéa. Finalement, c'est un nationaliste caché, un chauvin qui ne veut pas s'étranger chez lui. Michéa, on peut lire aussi ce que je sais. Attends, ça s'appuie sur des citations. Attends, ça va, tu peux avoir des trucs comme ça et faire des arguments du tout à l'heure. Mais tu balances des trucs, on va pas forcément tous lire. Là, tu balances des trucs comme ça, personne ne l'a forcément lu. Et après, quand on essaie d'en discuter, tu refuses. Tu dis, non, mais c'est bon, mais c'est bon. Dans l'article, quelque part, je donne la parole à Michéa, puisque je parle de ses citations pour critiquer son discours. Qu'on ne soit pas d'accord avec la critique que j'émets sur ce discours, je veux bien, mais on ne peut pas me faire crédit de ne pas m'appuyer sur ce qu'il dit pour analyser ce qu'il dit. Je suis désolée. Et Michel, d'ailleurs, je suis loin d'être la seule à dire qu'il est porteur d'une, d'une pensée réactionnaire. Enfin, c'est quand même pas un truc, d'ailleurs, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas particulièrement... voilà, et notamment chez certains milieux libertaires marxistes, je suis loin d'être la seule à le penser. Alors voilà, et je ne fais pas de la police politique, je n'appelle pas à envoyer au goulag mes opposants politiques, je ne suis pas pour la peine de mort, même pour mon pire ennemi, ni pour la torture. Donc à un moment, je ne fais qu'exprimer des idées. Moi, je ne mets pas des gens en prison. Et j'ai le droit de les exprimer, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est tout. La liberté d'expression, ça va pas que dans le sens de la liberté d'expression des fachos, à un moment donné, quoi. Bon, bref. Mais franchement, par rapport à Ruffin, Lordan, tous les gens que ça a cités, je suis d'accord avec toi, j'avais même pas besoin de cet exercice pour mettre ces gens à distance. En fait, c'était pas des gourous pour moi, franchement. Non, mais bah, ça, c'est aussi un truc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, je ne dis pas que c'est vous, mais c'est vrai qu'il y a un culte de l'intellectuel chez nous, dès qu'un type écrit un vague bouquin, il ne faut plus le critiquer, non, il a ce statut, quoi. Ça devient aussi. Le contraire aussi. Elle n'a pas fini. C'est le contraire. Elle n'a pas fini. Oui, mais tout ce qui est désingué. Oui, elle n'a pas fini. C'est de désinguer tout ce qui est. Non, mais je ne désingue pas non plus, mais je ne pense pas qu'il faille les mettre. C'est des êtres humains comme nous, et on est aussi légitime qu'eux à exprimer des idées politiques, à ne pas être d'accord avec eux. Je pense qu'il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Il ne faut pas non plus les rejeter complètement. Je suis d'accord, hein. Je ne suis pas dans l'anti-intellectualisme. Non, mais c'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas Garnier, ils peuvent penser que c'est un. Oui, mais voilà, moi, c'est un facho fini. Mais moi, je suis désolée, Garnier, il a changé de temps pour moi avec ces écrits-là. Ah, ouais. Ben, c'est impardonnable. En plus, c'est d'autant plus impardonnable vu l'engagement antiraciste qu'il a à la base. C'est d'autant moins excusable. Je suis désolée, c'est là son passé militant et son passé théorique, c'est presque un argument qui va contre lui, quoi. C'est pas comme si il sortait de la dernière pluie. Il a un passé effectivement d'engagement antiraciste, donc il ne devrait pas écrire ça. C'est d'autant plus grave, effectivement, pour moi. Mais déjà, ça défend ce qu'on refait, ça fait très longtemps. Oui, je sais, quand on est anarchiste, on défend un type comme défunt, c'est bizarre. Ce que vous avez dit au début, là, moi, je l'ai entendu dire de vive voix, oui. Il m'a dit comme ça, et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que là, c'était pour faire, Ruffin avait fait un truc contre pied ses mains d'œuvre et qui était lamentable. Mais sa défense de Dieudonné, ça, pour le coup, pour moi, et puis vu les termes qu'il emploie pour le défendre, il est loin de se contenter de défendre sa liberté d'expression. Ce qui déjà, dans un cadre où si on se cantonne juste à la liberté d'expression d'un point de vue bourgeois, ça va être la liberté d'expression de ceux qui ont les moyens d'exprimer, donc il ne faut plus de donner. Donc c'est déjà discutable, mais à la limite, bon, l'argument peut s'entendre. Là, il prend vraiment son parti d'un point de vue idéologique, il emploie un vocabulaire d'extrême droite pour le défendre, il emploie des arguments fallacieux en laissant entendre qu'il y aurait une alliance de fait entre les jeunes, comme il dit, noirs et maghrébins et Dieudonné, qu'en fait s'en prendre à Dieudonné, c'est s'en prendre de jeunes noirs et maghrébins, dont on ne sait pas trop ce qu'il met pour un sociologue dans cette catégorie-là, mais on subodore qu'il s'agit des jeunes des classes populaires de banlieue, pour faire simple. Donc il est complètement dans le cliché et raciste et tout. Et puis il est important de dire que Dieudonné est noir, mais il ne serait pas tout aussi important de dire que c'est un bourgeois, il ne serait pas tout aussi important de dire qu'il a fait baptiser que le parrain de sa fille, c'est Jean-Marie Le Pen, enfin je ne sais pas. Où est le... Non, là c'est complètement... C'est un texte. C'est Soral, et je ne sais même pas si Soral a été... c'est vraiment aussi loin, quoi, dans l'emploi. Enfin, là, on est vraiment... C'est un texte qui a sa place sur égalité... Enfin, des textes, puisqu'il y en a trois ou quatre, qui ont leur place sur le site d'égalité et réconciliation. Là, il est allé très loin, même par rapport à d'autres gens qui défendent la liberté d'expression de Dieudonné. Il qualifie Dieudonné de comique, en aucun cas de militant politique, alors que ça fait longtemps que Dieudonné est un militant politique. Même d'ailleurs, avant qu'il vire d'extrême droite, du temps où il était encore un comique de gauche, il s'est présenté à des élections. Donc, ça fait longtemps que Dieudonné fait de la politique. Accordons-lui ce crédit. Enfin, à un moment donné, c'est pas un truc. Et donc, c'est vraiment. Non, je suis désolée. Pour moi, c'est impardonnable. Le fait de défendre Fakir quand on est un art, c'est une contradiction. Le fait de défendre Dieudonné et de le faire dans ces termes-là, c'est changer de camp. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Du coup, ça fait longtemps que... C'est intéressant. Non, alors, je suis désolé, c'est un sujet un peu piquant. Je ne sais pas si je peux l'aborder ici. Mais je ne comprends pas, en fait, le fait de classer Fourisson... Parce que voilà, c'est quand je me suis intéressé par exemple à David Cole, par exemple, je suis allé voir, mais en fait, je trouve ça assez c'est assez choquant quand même de prôner la liberté d'expression et d'interdire en fait, par exemple, quelqu'un comme Robert Faurisson qui avance ses thèses. Moi, je sais, j'adhère pas forcément parce que c'est, j'ai pas les preuves, je sais pas. Même quand je regarde un livre d'histoire, j'ai pas les preuves en face de moi, même s'il y a beaucoup de photos, on peut faire ce qu'on veut. Mais par contre, je vois. Ah, mais oui, c'est ouais, mais bon, après, on va regarder les discussions là. Hein. Franchement, le négationnisme, ça va pas passer. Ouais, non, ça va pas passer. Si, je crois que ça a bien commencé en fait. Tu peux même sortir. Tu peux, ouais, voilà, tu peux t'asseoir. Mais non, mais c'est pas ça. Ouais, c'est quoi, c'est la liberté d'expression ou pas? Bah, non, bah, il y a des limites quand même. C'est pas déjà la liberté d'expression de et des négationnistes, quand même, très globalement, ils sont pas vraiment inquiétés. Enfin, leurs sites sont en ligne. Même le site de Vincent Renoir, qui a été plusieurs fois condamné, qui a fait de la prison, est en ligne. Il n'y a aucun problème. Ah, oui, c'est sûr. C'est des gens qui ont des ressources pour s'exprimer. Donc c'est ce que je disais, c'est la liberté d'expression bourgeoise, c'est celle de ceux qui ont les moyens d'exprimer. Ben. Voilà. Et ensuite, moi je suis désolée, Faurisson est un négationniste. Oui, la Shoah a existé, oui, il y a eu des camps de concentration, des champs de gaz et des fours crématoires. On ne va pas débattre de ça ici. Non, après, la liberté d'expression, si tu veux qu'ils aient leur site et leur machin, grand bien leur fasse, mais alors qu'ils ne viennent pas exprimer des idées, entre guillemets, sur les nôtres. C'est-à-dire que. Et puis moi, à la limite, Faurisson, je suis pour lui faire, entre guillemets, fermer sa gueule. Non, mais je ne sais pas. Moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi. Et je ne vais pas, en tout cas, défendre sa liberté d'expression. C'est-à-dire que. Non, c'est sûr. Il faut lire Primo Levi. C'est-à-dire que même si je ne suis pas pour la répression, même si je ne suis pas pour la répression des idées. Pour autant, c'est pas ma priorité du tout d'aller défendre la liberté d'expression. Robert Faurisson, surtout en compagnie d'autres négationnistes. Enfin, je suis désolée, nous, on a d'autres priorités. On a aussi à défendre la liberté d'expression dans les entreprises de nos camarades syndicalistes qui ont des procès parce qu'ils arrachent des chemises. Il y a aussi ça. Il y a quand même deux grands non-lieux de la liberté d'expression dont tous les grands défenseurs des négationnistes ne parlent jamais. C'est l'entreprise et c'est la prison. Hein. Donc, à un moment donné, moi, j'ai d'autres priorités sur ces questions de liberté d'expression. Ça va 5 minutes... C'est bon, quoi. Et puis tout ça, après, je ne suis pas non plus, moi, pour mettre les gens en prison, y compris eux. Mais par contre, je n'irai pas les défendre. Je suis désolée. Un facho, le facho qui a tué Clément Méric, il a été mis un peu en zonzon. Ça aurait été un militant d'extrême gauche, ça aurait pu l'inverse. On peut penser qu'il le sera encore. Ben, je ne vais pas les défendre, ce mec-là, même si je suis contre les prisons. Enfin, je suis désolée. C'est comme ça. Après, je ne vais pas applaudir qu'ils sont en prison, forcément non plus. Mais je ne vais pas, en tout cas, aller les défendre. C'est un truc. C'est pas possible. Qui se défendent entre eux, qui se démerdent, à nager dans la merde. Et là, non. Ça ne fera jamais la réplique de savoir si son bagage en était ou pas. Donc, c'est pas la peine d'en parler, en fait. Je pense que. Non, mais je sais pas. T'as quelqu'un à l'épicant, quand même. J'ai prévenu, mais c'est. Oui, non, mais. Non, ça ne va pas prévenir, en fait. Non, mais. Bon, on va continuer à discuter.